Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. On reçoit Simon Fitzbé qui nous parle des grandes fans du monde de la musique. On jase de politique avec François Landry et le groupe Racine 101 et on résout vos problèmes dans 5 10 mais ça ne devrait pas, on l'a. Attention, je pense que le signal c'est bientôt. Assemblage requis, commencez. 3, 2, 1, là. Est-ce que tu t'essayes sur l'entrée? Attention, François. Attention. Bonjour, bienvenue à Assemblage Rick. En ce jeudi 8 mars 2012, moi, c'est Mathieu Plante. Moi, je suis celui qui enseigne aux stagiaires de C'est Fou, Mathieu Plante. Dans direct des studios à Trois-Rivières, tu l'as dit, des studios C'est Fou, c'est ça? Non, je ne l'ai pas dit. C'est ici, c'est là. C'est ici, on est là. Ici? On est là. Ouais. Dans le pavillon des Rebouchemins. À côté de la chaise galerie. Ouais, c'est ça, exactement. Et des toilettes. Ouais, et des bureaux de loger. Oui, tout à fait. Par ça, non, c'est pas mal tout. Pas mal tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas grand-chose dans ce pavillon. C'est pas la galerie d'arrière 3, la chapelle, les gardiens de sécurité. On les salue tous. Bon. Donc, bienvenue à Assemblage requis. Aujourd'hui, à l'émission, on a Simon Fitzbé à 8h. Et sa chronique Phénomène nous parle des grandes femmes du monde de la musique. Oui. Oui, on va entendre des choses qu'on n'entend pas nécessairement souvent assez fou. Entre autres, du Diane Dufresne. OK. Et du Edith Piaf. Oh. C'est rare. C'est très rare. Edith Piaf, peut-être plus. Ça doit être rare aussi. Ça doit être rare aussi. Hein? Ça peut arriver un petit peu plus souvent, mais c'est très, très rare. Ouais. Ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, on a François Landry. Oui, qui nous parle de politique. Et je l'ai rencontré hier. Il me disait qu'il allait me parler de plein de petites nouvelles. Oui, c'est comme une salade chef. En fait, je pense qu'on va revenir sur le scandale là, des appels téléphoniques. Oui. Ben oui. Donc, le titre de sa chronique, c'est Harper, NPD, La Pointe et Legault, sans oublier la femme. OK. C'est beaucoup de choses en même temps. La Pointe? La Pointe. La Pointe. C'est pas la Poutine, c'est pas Pierre Poutine? Non, je pense pas. Ça joue des séparatistes, c'est ça? Mais c'est pas ça. Donc, ça, c'est à 8h30 en fin d'émission. D'ici là, on va avoir 5 semaines, ça devrait pas, on l'a, où on va régler vos problèmes de la vie de tous les jours. Si vous les avez pas, on vous les crée. Hein? C'est comme un 2 pour 1, cette chronique-là. Et en début d'émission, tantôt, on a Cénix, la chronique geek, on va parler entre autres de l'iPad. Le nouvel iPad, hein. Il faut pas l'appeler iPad 3, faut pas l'appeler iPad HD, c'est fini, c'est le nouvel iPad. J'aime pas le nom. Moi non plus. Non, j'aime vraiment pas le nom. Et ça va être beau ça dans un an quand le prochain va sortir, puis tous les gadgets qui vont avoir été distribués pour le nouvel iPad vont avoir l'air d'être pour le nouvel iPad, mais ça va être pour le nouvel ancien iPad. J'ai bien hâte. Et puis on va parler avec Amélie. Oui, Amélie Martel qui va nous parler de son voyage au Maroc. Ils partent en fait là, avec l'école de secondaire Chavigny, ils partent aujourd'hui. Après-midi. Donc, tu peux te servir de la voiture de ta copine pendant ce temps-là? Ouais, c'est ça. Ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients aussi. Et voilà. Et bien. Donc, on commence l'émission avec Funambule. Voici l'antre des indécis au 89 FM. C'est fou. Son lecteur CD, il se kippait à matin dans le tour de. Aïe. On peut rien dire. T'es jamais content de mes voitures, toi? Et plus récente que ta Corsica, hein? Ouais, de 16 ans. 16 ans. Les chars existent dans ce temps-là, moi. Ah. Ciel sous nos pieds tard, au-dessus de nos têtes. Moi qui patauge dans la marge, je pourrais bien, peut-être. Le flou d'indécision et la marche qui défie mes frayeurs. Quand mes pensées lunatiques On fait des relax des chansons Fanny Bloom. Hein? Ça, c'était Mon Hiver sur son plus récent album Apprentie Guerrière. On s'est dit Mon Hiver parce qu'il y en a qui ont la chance de pas quitter cet hiver. Si on non, c'est ça, exactement. Il y en a qui s'en vont au Maroc, qui partent aujourd'hui. On rejoint en direct par téléphone Amélie Martel. Bon matin. Bon matin. Martin. Ami Martin, qui est professeur à l'école Chavigny, l'école secondaire Chavigny, ici à Trois-Rivières. Et vous quittez pour le Maroc ce matin. Ben, ce matin, cet après-midi. Nous quittons définitivement pour le Maroc cet après-midi. Donc, pourquoi le voyage? C'est quoi le but ultime de ce voyage? En fait, tous les ans, les élèves de secondaire 5 de l'école Chavigny en option théâtre font un voyage à l'international dans un des différents festivals internationaux de théâtre. Donc, c'est des festivals... Yeah, elle l'a dit. J'attendais de dire ceci. J'aime ça. J'écoute trop souvent votre émission, merci. Ça ramollit mon cerveau. Ça paraît. Excusez. On voyage dans des festivals francophones de théâtre à travers le monde. Puis cette année, pour nous, c'est le Maroc. Il y a l'autre groupe de secondaire 5 qui, un petit peu plus tôt, la semaine dernière, sont partis en Italie. Donc, chacun sa destination. Et puis, on peut s'attendre à quoi de ce voyage? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un concours ou...? Non, c'est pas un concours. En fait, c'est un festival qui réunit plusieurs pays, dont la deuxième langue est le français. OK. Nous, c'est notre première langue, le français. Donc, quand on arrive là, on est un peu comme des vedettes parce qu'on a le français beaucoup plus évolué que les autres. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Souvent, les troupes qui se présentent là-bas vont monter des petits spectacles parce que, justement, le français n'est pas très, très développé pour eux. Puis nous, on arrive toujours avec un grand spectacle vraiment à teneur français plus intense. Donc, ils adorent ça. Ils sont très, très contents. Mais c'est pas un concours. Là. C'est plus une occasion pour les jeunes de rencontrer des jeunes de partout dans le monde puis de comprendre que le français, c'est pas évident pour tous, même pour nous autres. Oui, puis c'est pas juste au Québec aussi. Non, effectivement. OK, formidable. Écoute, vous partez à partir d'aujourd'hui après-midi jusqu'à... Le 18 mars. OK, 10 jours, quand même. Mm-hmm. Un beau petit voyage. Et puis, est-ce qu'il y a des activités de prévues? Est-ce que... Du lèche-vitrine? Du lèche-vitrine, un peu. Non, pas de lèche-vitrine, du lèche-tapis, parce qu'on va se promener dans les souks au Maroc. Okay. Donc, sentir toutes les différentes odeurs, des poulets morts jusqu'aux bonnes épices. Du poulet mort? Oui, là-bas, c'est un festival d'odeurs. Ou des festivals d'odeur. Mais non, c'est surtout les premières journées exploration de Marrakech, parce qu'on commence à Marrakech. Puis par la suite, on va traverser les Atlas en jeep. Ça, les Atlas, c'est les routes super sinueuses là, dans les montagnes. Et ensuite, on passe une nuit dans le désert. Puis après, on se rend au festival dans une belle station balnéaire à Agadir. Prendre un peu de soleil et profiter du bon temps. Oui, ça va être un méchant changement de paysage pour toi. Ça va être un choc de culture, oui. Tu t'es renseigné pas mal, t'as regardé des photos, lu des livres et pour te mettre dans l'ambiance. Lu un peu, regardé des photos beaucoup. C'est sûr que nous, quand on est dans l'organisation, on a moins le temps de faire ça. Là. On est plus côté administratif, puis on part avec 16 adolescents aussi quand même, il ne faut pas l'oublier. Il y a des parents en arrière de ça, donc... C'est beaucoup de paperasse à remplir, puis c'est beaucoup de stress pour nous parce que partir avec une gang comme ça, c'est autre chose. Donc, on n'a pas vraiment exploré côté Internet, mais on est bien renseigné quand même. Et est-ce que c'est stressant partir avec une gang d'ados, en fait, pas trop expérimentés, j'imagine, pour certains, du moins? Ils sont sous votre responsabilité. C'est ça qui est stressant. C'est stressant, mais en même temps, c'est une belle expérience parce que on est content pour eux, puis on est content pour nous autres aussi. Sauf que, comme je dis, là, c'est beaucoup d'organisation. Puis quand tu rencontres les parents, tu vois qu'il y en a qui sont un petit peu plus anxieux, qui n'ont jamais vraiment laissé partir leurs enfants très loin. Ils sont jeunes encore, ben oui. Ben, ils sont jeunes. Relativement jeunes. Oui, relativement jeunes. Dites-leur pas ça parce que... Non, eux autres, c'est des adultes, là, ça. Mais non, c'est ça. Donc, c'est un petit stress, mais c'est un bon stress. Bon, formidable. Écoute, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Oui, merci. Bon voyage. On va se mettre un petit peu dans l'ambiance musicale. Parce c'est que je sais pas si tu as été regarder un petit peu les stations de radio là-bas pour voir qu'est-ce qu'ils jouent comme musique. Oui, en fait, on en a écouté quelques-uns. On trouvait que c'était toujours la même chanson. Mais... c'est pas très gentil, mais c'est pas tout à fait faux non plus. C'est comme quand on écoute les chiptunes. Ah, merci. Hey, on a une auditrice ici fidèle à l'émission. Hein? On voit où elle a pris ses informations. Hein, François? Elle l'écoute, par exemple. Au moins, elle l'écoute. C'est ça. On peut dire, je pense qu'on a laissé tomber assez d'indices depuis le début de l'émission, mais François et Amélie sont un menum, chubby, chubby, chubby, squick, squick, comment on dit? C'est, ouais. Écoute, Mathieu, on aimerait bien être menum, menum, chubby, chubby, squick, squick avec toi, mais... OK. Ça étant dit, donc, une petite chanson, puis merci beaucoup. Bon voyage bon à toi. Voyage. Merci. Et à toute l'équipe. Bye bye. Je vous embrasse. Ah, merci. Ouais, c'est squick, squick, là. Bye. Donc, c'est quoi ça, cette pièce-là, Mathieu? Peu importe. OK. Another style that sells well here is Shahabi. T'as pas bien long, leur extrême. Alors, c'était la formation Gada Nashta. Nashta. Nashta. Et la pièce, ben, là, elle a sûrement un nom. Là. Écoute, je l'ai écrit comme... Rice Siphon. Incognito. Rice Siphon. Incognito vient dans ma peau. Rice Siphon. Et puis, ils disent que dans les magasins là, de disques là-bas, ils vendent Céline Dion ou du Michael Jackson. C'est un gros hit, ça. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi cette musique-là. C'est un bel extrait. On parle avec Amélie Martel de l'école secondaire Chevigny, professeure là-bas. Oui, exactement. On la remercie, bien sûr. Oui, merci beaucoup et bon voyage. Bon voyage à tous ceux qui vont participer au voyage à l'école Chevigny. Exact. Et François a choisi une pièce pour aller après ça. C'est Salomé Leclerc, Ne reviens pas. C'est le nom. Non, c'est pas vrai. Je me trouvais bien drôle. Squick, squick, François. Squick, squick. Aide-moi plutôt. Oui, oui. Regarde, pendant qu'on va être parti. On a le temps. Hein? Une semaine? On est déjà 10 jours. Une belle relation. J'ai besoin de 2 minutes. Qu'à ne pas te tourner, tu me verras jamais ramper dans la boue. T'as qu'à éteindre le jour pour ne pas voir les morsures à mon cou. Salomé Leclerc avec la pièce Ne reviens pas. Ok oui, ok oui. Moi j'ai envie d'entendre encore un petit peu de marocain. Oh. Avec Kili, le coquelon. Ça c'est particulier, hein? Ben c'est un genre, moi. J'haïs pas ça. Ça fait de bonne humeur. Ouais, ça fait changement. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis. Il est 7h20 en ce merveilleux jeudi matin du 8 mars 2012. Et maintenant, on va transitionner d'une façon tellement, tellement jolie et tellement comme, comme une radio publique américaine qui me parlerait par-dessus en arrière pour la chronique Cynix. Dernière chronique de la semaine pour CNX et je vous annonce qu'à la fin, tout le monde va être content. Toi, ta copine, tout le monde. Du chiptune à la fin. Yeah! Yeah! Commençons par contre par la grosse nouvelle. J'espère que vous attendiez ça au moins un petit peu et que vous allez être heureux d'en entendre parler. C'est le nouvel iPad. Moi, j'avais hâte que t'en parles. T'avais hâte? Ouais. Tu veux en discuter? Oui, on va en discuter. D'accord. Donc, le nouvel iPad a été annoncé au Yerba Buena Center for the Arts à San Francisco hier. Compte rendu des nouvelles caractéristiques de cette bête. L'une des plus importantes nouveautés de cette nouvelle tablette est sans doute son écran. Comme l'avaient prédit les rumeurs, il est doté d'une résolution de 2048 par 1536, ce qui est plus de 3,1 millions de pixels. Selon Apple, c'est techniquement un écran Retina Display, comme sur le iPhone, dans le sens de la concentration de pixels. Si on tient à 15 pouces du visage ou qu'on tient l'iPhone à 10 pouces, on ne détecte plus la différence entre les pixels. Okay. C'est aussi la plus grande résolution qui existe sur tablette. J'ai lu aussi que c'est, en termes de pixels, de concentration de pixels sur une grandeur, proportionnellement, c'est plus... c'est meilleur que 1080p, qui est la haute définition maximale sur une télévision avec, par exemple, un lecteur Blu-ray. Okay. C'est plus que ça en concentration de pixels. Okay. Le processeur a aussi été revu. L'iPad est équipé d'un processeur A5X. Le X signifie Quad Core Graphics. Donc, grâce à cette nouvelle composante, les jeux vidéo vont, d'après Apple, passer au niveau supérieur. Ça reste un jeu vidéo tactile et toujours pas mon genre, mais il y en a qui aiment ça. Le président d'Epic Games, le studio en arrière des jeux sur iPad comme Infinity Blade, est venu présenter sa nouvelle création. C'est Dungeons, un nouveau chapitre d'Infinity Blade. La caméra a aussi été améliorée. La tablette de la marque est maintenant livrée avec un capteur de 5 mégapixels, utilisant la même technologie que derrière la caméra de l'iPhone 4S. Et tout le monde a été impressionné dès la révélation de la caméra de l'iPhone 4S. Ça prend des photos et de la vidéo absolument incroyables. Donc, ça va être la même chose sur l'iPad. Par contre, la caméra à l'avant qui sert pour, entre autres, FaceTime, en fait, qui servirait si les gens se servaient de FaceTime dans la vie. Ouais. Mais maintenant, pour Skype. Reste la même. C'est comme une webcam des années 90. Là. OK. C'est du ça, c'est un peu décevant. Très décevant, c'est sûr. Mais en même temps, pas super important, tu sais. Donc, je peux comprendre que ce soit pas là-dessus que mettre le focus. Ouais. Focus qui est une joke de caméra, t'sais. Ouais. Mettre le focus. Ouais. Donc, dotée de l'autofocus, elle supporte, là on parle de la caméra qui est derrière l'appareil, qui supporte la détection de visage. Il va aussi être possible d'enregistrer de la vidéo en 1080p comme l'iPhone 4S. Ah, quand même. Super ça. Évidemment, vous allez pouvoir avoir l'air d'un imbécile dans des spectacles de musique avec votre gros iPad d'en face. Non, ça ne mène pas ça. Ben, il y en a qui le font. Ah, pas vrai? Quand tu vois des photos de foule dans des spectacles que le groupe a pris sur scène, tu vois plein de gens avec des iPads. Ah, ouais. Je comprends pas. Mais hey, moi, j'ai envoyé un raisin qui sort son iPad devant moi. Hey, ça te cache la vue, ça, là? Ben, sérieux. C'est gros. Voyons donc. Ouais. Puis tu sais, tu risques de briser. Je sais pas. Non, en tout cas. De toute façon, c'était de l'argent pour un iPad, de l'argent pour un iPhone aussi. Non, je sais pas, mais tu sais, ton téléphone, à la limite, c'est correct. Tu sais, je peux comprendre le principe. Mais quand même, ça te fasse pas des belles photos, là. Tu peux dire quand même, j'étais là, mettons. Exactement. Mais exactement. Pas ton iPad, voyons donc. Ben, d'accord. Le nouvel iPad est aussi livré avec une application ressemblant à Siri. Et là, encore une fois, on dit. Dans les médias, on dit. C'est pas Siri. Il y a Siri dans le iPad. Non, il n'y a pas Siri dans l'iPad. Il y a un Simili Siri. Un Sirimili, comme on dit. Okay? Un Sirimili. Sirimili. Ça, tu vas nous expliquer c'est quoi? Ouais, ben c'est seulement un appareil. Ben, OK, Siri, commence par la base. Siri, pour ceux qui ne sont pas au courant encore, c'est sur l'iPhone 4S. C'est un assistant numérique personnel, la patente, là, que tu peux lui demander, bon, écrire un message avec François-Olivier. Ou encore, dis-moi quel restaurant de taille il y a à Trois-Rivières. Dis-moi, tu sais, bon, des trucs. Il va te sortir ça. Exactement. Seulement par la voix. Par la voix. Ça, c'est merveilleux. Donc, sur l'iPad, c'est une application ressemblant à Siri qui permet la dictée vocale. Donc, tu vas pouvoir faire du traitement de texte en lisant un texte. Ça va l'envoyer dedans. Okay. Je sais pas si ça marche pour les messages textes, je me suis pas trop renseigné, mais peut-être que tu peux genre aller dans ton application de messages textes, cliquer sur le micro qui est dans le petit clavier en bas de l'écran et là dire ton message, sûrement que ça peut le faire. Mais il peut pas répondre à tes questions pour l'instant, l'iPad. Okay. Peut-être un jour, c'est... moi je dis que c'était facile de le faire pour cette version-là, mais ils ont préféré le garder pour plus tard parce que tu sais comment ils sont à Apple, c'est créons un engouement pour la prochaine version, faut bien qu'il y ait une raison de l'acheter. Ouais. Ça ressemble à ça. Donc le Siri Like va supporter l'anglais américain, britannique et australien, le français, l'allemand et le japonais. Comme le voulaient de nombreux fans, cette nouvelle mouture supportera le réseau LTE. Aux États-Unis, seulement deux entreprises l'offrent, c'est Verizon et AT&T. Chez nous, ça va être Rogers, Bell et TELUS qui vont être les fournisseurs choisis par la firme d'Apple. Aux États-Unis, deux versions pour l'iPad, l'une pour AT&T et l'autre pour Verizon parce qu'il y a deux sortes de bandes. Okay. Ça, c'est le 4G, là. Ouais, on parle du 4G. Exactement. Okay. 4G LTE. Et non pas le normal. 4G qui est supposé plus rapide. Plus rapide que le 3G. Le 3G, on le connaît. En fait, là, c'est ta connexion Internet, là, soit avec ton téléphone ou ton iPad. C'est correct. C'est pas comme un ordinateur, maintenant. Non, c'est pas comme un ordinateur, mais en même temps, t'es sur le coin de la rue, t'es pas... C'est ça, c'est fait pour être pratique et non pas pour être rapide. Bon. L'autonomie n'a pas été revue à la hausse, et là, on peut comprendre avec le nombre d'ajouts, l'écran, un Retina Display, toutes les fonctions, la carte vidéo, la carte graphique et la carte, le processeur, finalement. La batterie doit avoir une autonomie de 10 heures environ, comme le précédent modèle, mais sur le réseau 4G, on descend à 9 heures. Ah non, on descend à 9 heures, donc on perd une heure. Ouais, mais c'est deux fois plus rapide. C'est ça. Et c'est similaire à l'ancienne génération. Donc là, on parle de 10 heures pour le normal et 9 heures pour le 4G. Okay. Je crois que c'est la même chose à l'ancienne génération par rapport au normal et le 3G. Ouais. OK, parfait. Est-ce que tu sais si l'iPhone 4 est sur le 4G ou... Bonne question. Je suis pas au courant. Je crois que oui, mais je suis pas au courant. OK. Je suis pas sûr. Je sais pas. Toutes ces caractéristiques sont embarquées dans la nouvelle tablette de 9,4 mm d'épaisseur. C'est une chose à remarquer. Le poids est de 1,4 livres. C'est un petit peu plus épais. 8,8 était l'ancienne hauteur. Donc et là c'est 9, quoi, 9? 9,4. Là, on parle de dixième de millimètre. C'est pas grave. 1,33 livres pour l'ancien modèle. 1,4 pour le nouveau modèle. Mais c'est plus lourd un peu. C'est plus lourd un peu, mais en même temps, peut-être qu'ils ont changé la batterie pour pouvoir gérer autant de bonnes cartes, de bons processeurs. Ouais, la résolution, puis... Exact, donc c'est normal de prendre un petit peu de poids, mais en même temps, les gens trouvaient qu'il était quand même mince, puis tu sais, peut-être un petit peu trop léger, je sais pas trop quoi, ils voulaient peut-être leur donner un petit peu plus de oomph. Alors, iPad. L'iPad qui va être vendu à des prix de 629, 729 et 829. Part à 629 canadiens? Oui, c'est ça, 629 canadiens. Pour les modèles 16, 32 et 64 GB. Donc, 629, 729, 829. Ça, c'est pour le modèle Wi-Fi plus 4G. Ah, ça, c'est pour le plus 4G. Je pense que c'est un petit peu moins cher que ça pour le modèle sans 4G. Attends un petit peu. Un peu cher. Ça, si t'achètes, exemple, c'est quoi? 8, 16, 32, c'est bien ça? 16, 32, 64. 16, 32, 64. Si tu t'achètes un 16 gig, est-ce qu'il y a moyen de rajouter de la mémoire? Non, pas de carte SD, rien. Toujours pas. Tu peux pas transférer des données... J'imagine que tu les mettre sur ton cloud. OK. Sur ton iCloud. OK. Ouais, là, en fait, va t'enlever de l'espace sur... Sur le serveur, exactement. Le modèle noir commence à 520$ sur le site canadien en ce moment. Ouais, c'est ça. OK, donc 16 gigs, 519, 32, 619 et ensuite 719. Alors que le modèle Wi-Fi plus 4G, comme on disait, 649, 749, 849. Il y a une différence de 20$ par rapport à l'article. Quand même. Mais, c'est quand même 1000$. C'est ça. Ben, c'est ça. Pour le modèle le plus cher, 64G, Wi-Fi 4G, 849, plus le Apple Care, plus les taxes, vous en sortez pas en bas de 1000$. Je crois pas. Vraiment pas. Ça va être disponible dès le 16 mars prochain et comme l'iPad 2, il va être offert en noir et en blanc. Et j'étais sur le site d'Apple, j'aurais pas dû fermer ma page, mais l'iPad 2 va continuer d'être vendu pour moins cher. Ah oh ouais? Si je vais sur Noir, non, c'était sur l'autre page. Ouais, c'est ça. À partir de 419$ pour l'iPad 2. Donc quand même, si c'est un cadeau que vous voulez faire, quelque chose de genre, que la personne n'est pas... Et ça fait très bien l'affaire, là. Oui, ben la plupart des gens n'ont pas besoin du plus récent modèle. De toute façon, ils n'ont jamais essayé, ils ont pas encore essayé l'ancien modèle. Donc pour eux autres, c'est tout nouveau. Donc je sais pas. Mais moi, je dirais que le plus récent modèle est toujours pour les grands fans et les habitués. Ou les gens qui ont besoin d'être à sa dernière cloche. Ouais. Ça va être disponible dans 10 pays, comme on disait, le 16 mars, dont le Canada, cette date-là. Et puis voilà. Le nom officiel, en passant, c'est le nouvel iPad, pas ben, iPad 3, pas iPad HD. Ça c'est complètement ridicule. Ouais. T'appelles pas un produit le nouveau produit. C'est comme New Super Mario Brothers. Oui, il est plus nouveau ce jeu-là. Les emballages d'accessoires, mettons, qui s'appellent pour le nouvel iPad en ce moment, quand le iPad 4 ou whatever va sortir et que les emballages d'accessoires dans le magasin vont encore dire le nouvel iPad, les gens vont penser que c'est pour le nouvel iPad, mais ça va être pour le nouvel ancien iPad. Non, ouais. Je sais pas, hein? Surtout qu'il était dans Steve Jobs, il aurait pas laissé... Jamais. Non. T'as raison. Non. Inacceptable. Non, mais je trouve ça... C'est assez particulier. T'appelles pas un produit le nouveau... Ouais. C'est une drôle de décision. Peut-être qu'il y avait quelque chose derrière ça. Peut-être que les études qu'ils ont faites disaient que c'était la meilleure chose. Mais iPad HD, comme tu disais, aurait été une très bonne idée. Mais en même temps, HD, ça me rappelle la Zoom HD. Puis c'est un flop. Mais tu sais, quand tu veux arrêter, mettons, de les numéroter... Oui. Trouve un nom, mais trouve pas le nouveau... C'est ça, tu peux y trouver un petit nom le fun, comme mettons les Android, qui s'appellent Galaxy, Nexus ou peu importe, tu peux leur trouver des petits noms cute comme ça. Puis en même temps, mettons iPad HD, ça dit très bien. C'est haute définition. Ça révolutionne. Ou juste iPad Retina, si tu veux vraiment que le monde commence à utiliser le mot Retina dans leur conversation de tous les jours. Je trouve pas ça beau comme mot, mais ça se peut. Ouais. En tout cas, donc bref, c'est pas la seule chose qui a été annoncée, étrangement, parce que les gens pensent que c'est la seule chose qui a été annoncée hier, mais non, il y a aussi eu la nouvelle version de l'iPad, de l'Apple TV. Okay. L'Apple TV qui est le petit, la petite boîte noire, là, et non pas les grosses télé dont on parle depuis des mois. La petite boîte noire qui ressemble à un genre de Mac Mini, mais noir, que tu mets sur le coin de ta bibliothèque de TV et qui gère tes médias pour pouvoir les lire. Tu peux te synchroniser directement avec l'iPad qui apparaît à ton écran. Ça, c'est vrai. Donc, tu peux écouter tout.tv. Jouer à des jeux de course. Ouais, aller voir sur YouTube directement. Ça, c'est quand même gagnant. Ouais, ça, c'est... Donc, Apple TV 3e génération en 1080p. Donc là, on parle de moins bonne résolution que l'iPad, que le nouvel iPad. Mais les TV, en même temps, c'est 1080p. Donc, ça donne rien d'aller plus haut que ça. Tout à fait. Nouvelle interface aussi. Donc, suite à l'annonce de l'iPad, on a annoncé l'Apple TV accompagnant la disponibilité de films et de séries télé en 1080p sur Apple, sur l'iTunes Store. La nouvelle passerelle d'Apple comble la principale lacune de sa devancière, donc le modèle précédent, en prenant enfin en charge la définition Full HD en entrée comme en sortie, donc aussi vers la télé. Ça, c'est bien. Le film de vers la télé et de la télé vers ton appareil. En tout cas, bref, on se comprend. La firme de Cupertino a beau continuer à bouder le Blu-ray au profit de son propre service de location et d'achat de films et de séries télé. L'iTunes, elle devrait passer du 720p à 1080p pour que son offre reste compétitive. Voilà. Un nouvel Apple TV qui inaugure au passage une nouvelle interface s'inspirant de l'iPhone et du iPad avec de grandes icônes, là, mais n'accueille pas pour autant l'App Store. Pas encore, ça, non? Je comprends pas. On retrouve naturellement l'accès à iTunes Store, donc pour la musique et les émissions de télé. Donc, pas l'application, c'est ce que ça veut dire. On a toujours YouTube, Vimeo, Flickr. On ajoute iCloud, qui va retrouver sa bibliothèque iTunes Match. Donc, tu l'avais pas sur l'autre? Non. Non? Donc, voilà. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, le nouvel Apple TV abrite une puce Apple A5 monocœur, décodant enfin le H.264 High Profile. Donc, c'est de la haute qualité de définition, ça là. Et arbore strictement la même connectique HDMI, SPDIF optique pour le son, Wi-Fi N, Ethernet 100 Mbps, micro USB et infrarouge. L'Apple TV de 3e génération qui va être mise en vente la semaine prochaine aux États-Unis pour un prix qui ne change pas, c'est vraiment pas cher. Pour ça, il faut leur donner 100$. C'est pas cher pour ça, je trouve. Alors que moi, je préfère quelque chose comme une Boxy Box qui coûte 200$, qui vient avec une télécommande, avec un clavier à l'arrière et puis qui supporte tous les types de fichiers et t'as pas besoin de passer par iTunes et t'as pas besoin d'acheter rien. Ça, je trouve ça pas mal meilleur. Mais tu sais, 100$, on s'entend, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Mais en même temps, c'est comme... l'utilité est... Ça, c'est parce que t'as pas encore utilisé ça, parce que moi, sérieusement, est-ce que tu l'as utilisé? Ben, écoute, oui. Okay, oui, je l'ai utilisé, mais j'ai pas trouvé l'utilité vraiment. Toi, tu regardes la télé à la télé. Ouais. OK. Tu payes une facture de câble. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui préfèrent acheter leur émission une à une. Ouais, c'est... Comme moi, la raison qu'une Boxy Box... Moi, présentement, j'ai la télé, j'ai le câble, c'est sûr, mais je branche mon portable dans ma télé, OK? La plupart des télés ont une prise pour ça. Je branche mon ordi dedans, j'ai des émissions à la tonne, et ça, c'est gratuit, et je peux jouer à des jeux dessus. Il y a tellement de... Ça, c'est pas pire. Mais c'est la même chose. Mais tu... Presque. Plus ou moins. T'as pas autant le furteur Internet sur Apple TV. Puis, c'est-tu quoi? J'ai pas trouvé ça rapide. OK. J'ai été déçu de la rapidité. Et quand tu synchronises, parce que j'ai essayé de synchroniser mon téléphone, ça a fonctionné. Okay. Ça laguait. C'était pas... Ouais. Mais peut-être que c'est parce que t'as 3GS, peut-être? Peut-être. Parce que c'est pas la première... Peut-être. En même temps, on l'a essayé aussi avec un iPad. Ah ouais. Puis, c'était iPad 2. OK. Ça laguait aussi. Là. OK. C'était lent. Tu virais ta tablette, en fait. Là. Ouais. Et puis, ça prenait un bon peut-être 10 secondes avec... C'est pas le fun. Rapidité, ouais, c'est ça. Il était plus ou moins là. Je trouvais que c'était vraiment pas à point pour ce que c'était. Mais l'idée est quand même bonne. Pour ce que c'est supposé faire. Sur papier, c'est bien. En pratique, c'est moins bien. OK, je comprends. Ce que je trouvais. D'accord, j'aime bien. J'aime ton analyse. Et comme moi, de toute façon, comme je disais, je préfère quelque chose comme une Boxy Box. C'est vraiment comme un ordinateur pour 200$. Ça, c'est vraiment à conseiller. Allez vous renseigner si vous n'avez pas encore fait ça. Puis tu t'achètes en fait un clavier sans fil avec une souris sans fil. T'as même pas besoin avec le Boxy Box. C'est la manette... t'avais à l'envers qu'un clavier. Mais t'as-tu une souris, non? Pas besoin de souris, non? C'est un pointeur. OK. Ah ouais, tu pointes? Ben, pas un pointeur genre vers l'écran, mais c'est comme une genre de souris pointeur. Genre. OK. Ben, tu joues avec ton genre de petit trackpad. Okay. Mais ça, t'as ça, toi? J'ai pas ça encore, mais j'en veux un. Je l'ai essayé, j'adore ça. Et ce qu'il fait avec une Boxy Box, ben plus maintenant, mais avant, tu pouvais télécharger le logiciel de la Boxy Box et le faire fonctionner sur ton Mac ou sur ton PC pour voir de quoi ça avait l'air avant d'acheter la boîte. Okay. T'as même pas besoin d'acheter la boîte, c'était comme une alternative, mais maintenant, il est obligé d'acheter la boîte. Ah, parce qu'on se dirige lentement vers ça, là, la télé, c'est en déclin. Ouais, c'est ça, le câble, là, ils vont... Tranquillement, mais sûrement, ils vont perdre des plumes. Après les journaux et la radio. Un jour, ce sera la télé. Assez parlé d'Apple, et là, t'en files, on va faire quelques petites nouvelles en bref, comme ça, je vais juste vous mentionner les débuts d'articles. C'est Internet Vatican.va qui était bloqué mercredi après-midi, selon l'agence France Presse. Une attaque revendiquée par un mouvement de pirates informatiques militants Anonymous. Vous connaissez tous Anonymous, qui affirmait vouloir punir l'Église apostolique romaine corrompue et toutes ses émanations. On le connaît, mais on sait pas c'est qui. Ben c'est ça, c'est un groupe anonyme, hein, si on veut. Un groupe de pirates informatiques qui a revendiqué depuis plus d'un an des dizaines d'attaques contre des sites de grandes entreprises et des autorités. Ils avaient tenté déjà, mais sans succès, une attaque l'année dernière contre le site du Vatican. Les pirates accusent l'Église catholique d'avoir réduit en esclavage des populations entières. Les réseaux sociaux permettent aux manifestants et protestataires du monde entier d'organiser plus facilement des manifestations. C'est aussi un excellent moyen de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et bien, lors de la révolution égyptienne de 2011, le gouvernement de l'Égypte en était conscient. C'est notamment pour ça qu'ils ont mis hors ligne l'Internet dans le pays. Les chercheurs travaillent actuellement sur une méthode pour permettre de mieux combattre les coupures Internet. Liam Young de Tomorrow's Thoughts Today et le studio de designer Unknown Fields Division travaillent sur un projet de contre-mesure électronique. C'est un projet autonome de drones. Des drones qui pourraient s'envoler et planer au-dessus des villes et créer des connexions Internet et des réseaux. Il s'agirait d'une nouvelle infrastructure territoriale nomade. Chaque drone irait se placer à un endroit déterminé, et ce, de façon temporaire, pour offrir une connexion Wi-Fi qui serait de courte durée. OK. C'est super. Ouais. Très bonne. American Express qui offre des rabais sur Twitter en échange de mots-clics, donc des hashtags, comme on appelle. Les détenteurs d'American Express pourront synchroniser leur carte de crédit avec Twitter pour obtenir des remboursements sur leurs achats en écrivant des mots-clés. Donc, en faisant de la pub sur Twitter, ils vont pouvoir avoir des rabais. Ça va devenir fatigant, ça, je pense. Ouais. Le classement des 10 hommes les plus riches du domaine de l'informatique, et ça reste dominé par Bill Gates. C'est Bloomberg qui a dressé le classement du top 10 des personnalités les plus riches du monde de l'informatique au sens large. On retrouve aux trois premières places du podium Bill Gates, Larry Ellison de Oracle et Mark Zuckerberg de Facebook. Quand même, il y a aussi Sergey Brin et Larry Page de Google. Il y a plein d'autres gens comme ça que vous pouvez aller retrouver sur assemblagerequis.com. Ça, je crois que vous avez sûrement entendu parler parce qu'on n'a pas eu de chronique hier et puis on a eu le temps... d'annoncer depuis la dernière fois qu'on s'est parlé mardi, Google Play, qui est le nouveau service de Google. C'est Google qui a introduit le service Google Play, une nouvelle façon de consommer les services de divertissement de Google. Ça rassemble tous vos fichiers liés au divertissement comme musique, livres, films, applications, etc. dans le nuage Google Play, qui se veut une boutique en ligne qui tire avantage de l'ubiquité du nuage informatique. Plutôt que de télécharger les achats partout, ceux-ci demeurent accessibles en streaming. Oh. Voilà, donc c'est Google Play. Ciel virtuel pour éclairer le bureau maintenant. Pour en finir avec les éclairages déprimants de bureau, des scientifiques allemands ont développé un système présenté au Salon de technologie de l'information et de la communication, le CeBIT de Hanover, qui reproduit au plafond un ciel virtuel. Un système qui utilise de larges écrans plats accrochés au plafond qui, grâce à ses 288 mini-diodes lumineuses, des LED, pouvant chacune produire du rouge, du bleu, du vert et du blanc, propose 16 millions de combinaisons de couleurs. Les diodes peuvent également créer des formes mobiles telles que des nuages et reproduire la lumière changeante du jour, lever et coucher de soleil en fonction de l'heure. Imagine, tu travailles, t'as plus jamais de morosité hivernale. Ouais. Ce serait une très bonne idée, je trouve. Je vais vous laisser sur assemblagerequis.com les vainqueurs de la 12e édition des Game Developers Choice Awards. Parmi les gagnants, The Elder Scrolls V Skyrim, Portal 2, Battlefield 3 et Uncharted 3, Drake's Deception, il y en a plein d'autres. Et les gagnants aussi des 14e Independent Games Festival, dont le jeu Fez, développé par le studio montréalais Polytron, qui a remporté les grands honneurs. Le jeu Street Fighter X Tekken, sur lequel les personnages téléchargeables sont déjà sur le disque. On est rendu là. C'est rendu que le contenu payant, c'est le contenu additionnel que t'achètes d'habitude pour aller avec un jeu. Et déjà? Maintenant, sur le disque, déjà. Donc, il faut que tu les débloques en les achetant, mais ils sont juste sur ton disque. Hey! Ah! Oh. Non! Non, je trouve pas ça correct, ça, par exemple. Vraiment pas. Non. Ça devrait être du contenu qui dessus. Est produit plus tard. C'est ça, si il invente des nouveaux personnages, je veux les télécharger, mais... Oui. Ah, oh, c'est plate. C'est Street Fighter X Tekken. Et puis, la nouvelle mode du cliplet, c'est l'art de créer un GIF animé avec style. C'est Microsoft qui vient de mettre à jour un de ses projets sorti tout droit des bureaux de Microsoft Research. Ils ont réussi à combiner la magie d'une photo fixe avec le mouvement d'une séquence vidéo. Danny Janvier m'en parlait il y a quelques moments. C'est bien à la mode. C'est cinémagramme. Ce genre de photos-là. Et maintenant, Microsoft se l'est approprié. Donc, ça va devenir ultra populaire. Ça va devenir super mainstream. Mais pendant que ça l'est pas, tu sais, encore, que c'est pas encore rendu là, allez en voir des cinémagrammes sur assemblagerequis.com. Allez voir la petite vidéo. C'est l'effet d'avoir une photo qui est complètement fixe, sauf un détail qui bouge. C'est super cute, c'est vraiment le fun. Ouais. Mais Microsoft avec la patte là-dessus, hein, ça pourrait mal virer, être un petit peu trop présent partout, ouais, je trouve. Voilà, c'est ce qu'ils appellent, eux, des cliplets. Hein. Microsoft, avec leur beau petit terme, là, zoom, ouhou. Ouais. Ah, non, c'est pas gagnant. Voilà pour cette beaucoup trop longue chronique CNX. On retourne en chiptune pour entendre Algar et Castle Black. Excellente, excellente celle-là. Sérieusement, c'est une des très, très, très, très bonnes que j'ai trouvées jusqu'à maintenant. Je vous la suggère fortement. François, je te suggère de faire autre chose pendant ce temps-là. Parfait. Je pense qu'elle devrait pas trop te gosser. C'est vrai. Pas trop. Pas trop. Quoi que c'est dur à dire. Commentaire rapide, non? Pas de commentaire? Pas de commentaire là-dessus. Okay. Au retour, c'est ici, mais ça devrait répondre, là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Topanga, formation canadienne, et la pièce Fogo Island. J'ai oublié de mentionner la bonne, l'excellente formation canadienne. Excuse-moi les qualificatifs, hein, j'avoue. Est-ce que tu sais d'où ils viennent? Non. D'Ontario, mais je sais pas exactement Ontario. Où. Je pense que, en tout cas, ils sont comme frères avec Colorado. Je sais pas trop ce qui se passe en... Membre partagé, peut-être? Ah, en tout cas, c'est pas. Dans la même ville. Ça sonne dans le même genre. Ouais, c'est ça, exactement. Ils se connaissent, ils ont fait la première partie. Parfait. Et voilà. Donc, 7h51, toujours assemblage requis. Maintenant, on va se créer des problèmes, François, si t'en as envie. Allons-y. Voici, ça existe, mais ça devrait répondre, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. C'est la chronique où je règle vos problèmes de la vie de tous les jours. Et si vous les avez pas, ben, je vous l'écris, hein. Là, vous allez en avoir. Pauvre vous. Donc, on commence avec une télécommande bien étrange. Une télécommande pour téléviseur qui ressemble à, soit à un microphone Fisher-Price ou à genre une main de Mickey Mouse, si on veut. Le mot Terebi, ça s'appelle le Terebi Note, Terebi, qui veut dire téléviseur en japonais. Bon, et je crois que te, selon l'article, ça veut dire main, quelque chose de genre. Okay. Donc, pour allumer le téléviseur, il s'agit d'agiter la baguette à la verticale. Comme ça. On n'aime pas vraiment le mouvement que ça fait, mais ça fait vrai ça. Pour changer de poste, pour ajuster le volume, il faut la secouer à l'horizontale en appuyant sur un bouton. Quant au doigt pointé, ben, il contient une diode électroluminescente, une LED pour qu'on puisse lire dans le noir. Un petit peu. Vous pouvez aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Pas mal la pire façon de contrôler sa télé. Hein? Ouais. Ensuite, tu as besoin, tu veux faire entendre ta musique aux autres et tu veux aussi te servir du même appareil pour pouvoir écouter toi-même ta musique. Donc, c'est des écouteurs et haut-parleurs tout en un. Hein? Ouais. Oui, quand même. Le casque d'écoute hybride ZHP-015X2, hein, évidemment, de Zoom Reed, qui sert à la fois d'écouteur et de haut-parleur. La plupart du temps, on porte le X2 sur sa tête, comme n'importe quel casque d'écoute. Mais si jamais on décide de faire écouter une chanson à un ami ou tout simplement de profiter de sa musique sans rien avoir sur le coco, il suffit de déposer le X2 sur une table et d'appuyer sur un bouton pour qu'il se transforme en une paire de haut-parleurs miniatures d'une puissance relativement respectable pour leur taille. L'autonomie de la batterie USB rechargeable interne est d'environ 4 heures en mode haut-parleur. En mode casque d'écoute, on peut bénéficier d'une atténuation du bruit ambiant, nous disent-ils. Il semble que le produit n'est pas encore de distributeur canadien, alors pour l'instant, il faut commander par Internet. C'est environ 160 $. Beaucoup trop cher. Ouais, quand même. Alors, c'est pas donné. Pas donné du tout. Ah, tiens, tu veux jouer du piano, mais t'as pas de piano. Mais t'as des mains. Bon, au moins ça. C'est un bon début. C'est du piano virtuel pour les doigts. OK. Oui. Donc, c'est le Japanese Wrist Mounted Finger Piano. Hein? Le système qui est basé sur une sorte de montre haut-parleur qu'on porte au poignet, donc qui va jouer la musique. 5 petits bidules dans lesquels on insère les doigts. sont reliés à l'élément principal. Chaque doigt correspond à une note de la gamme. J'imagine que si tu en mets dans les deux mains, tu aurais deux fois deux gammes. Il suffit de taper du doigt sur n'importe quelle surface ferme. Là, on nous dit par contre, mais attends un peu, il y a 8 notes dans la gamme et je n'ai que 5 doigts par main. Mais les 3 notes manquantes sont représentées par des boutons sur la montre. Alors, on peut les jouer avec l'autre main. OK. Ils veulent que tu mettes ça dans la main gauche et que tu fasses les autres notes sur ton poignet. On peut régler l'appareil pour qu'il imite 3 instruments différents. Piano, carillon de cloche et un chat qui chante. Ça coûte 40$ chez Thing Geek. C'est une blague, dans le fond, là. Ouais, c'est Thing Geek, c'est des choses drôles. C'est fun. Avec tous les gadgets utiles et inutiles qu'on mentionne dans 5 semaines, ça devrait pas, des gadgets USB, on a besoin d'une rallonge USB. Je pense que ça, c'est évident. Concentrateur ou hub USB alimenté à 12 ports de la compagnie Sataki, qui supporte donc une douzaine d'appareils à la fois, sans drainer la pile de votre portable, ni surtaxer les capacités de votre ordinateur. 12 ports qui sont divisés en 2 groupes de 6. Chaque groupe est contrôlé par un interrupteur, donc on peut facilement éteindre un côté. Ça, c'est toujours pratique. Ouais, c'est bien. Et puis, c'est allumé, c'est éclairé par des diodes, encore une fois, électroluminescentes bleues, histoire d'éviter la confusion et les tracas. Ah, mais crime, mon gadget marche pas. Est-ce qu'il est brisé? Ouais. Non, il est pas allumé. Ça. Tout ça pour 30$, quand même, pour une rallonge de 12 prises USB, c'est pas si pire. Maintenant, toujours dans le domaine de l'USB, ton iPhone, ton iPod Touch, ton iPad, un iPareil, et t'as besoin de le brancher, mais t'es tanné parce qu'à chaque fois que tu le branches, ça veut synchroniser toutes tes affaires. Tu sais, tout le temps en train de synchroniser, puis là, ça prend une heure. Puis là, tout ce que tu veux faire, c'est juste, tu sais, le recharger pendant 2-3 minutes, là, pour avoir assez de batterie pour aller au dépanneur, tu sais. Hein? Ou, contraire, ben, t'es tout le temps en train de désactiver ton iPod ou tu désactives iTunes, la synchronisation, mais là, il se synchronise plus jamais. Puis, dépendant, des fois, t'es ton iPod, tu veux pouvoir le synchroniser parce que c'est plus rapide, puis c'est juste des chansons. Ton iPhone, tu veux pas le synchroniser parce que c'est plein d'applications. Eh bien, t'as un fil pour ça qui va, où tu peux décider toi-même s'il va seulement se synchroniser. S'il va se synchroniser et se charger ou simplement se charger. C'est un très joli fil de 3 pieds, compatible avec tous les modèles de iPod et iAppareil. Et puis, moi, je trouve que c'est une bonne idée. J'avais déjà vu ça à quelque part, mais j'avais jamais posté d'article là-dessus sur le site. C'est pour ceux que ça pourrait intéresser, vous pouvez aller l'acheter. C'est encore une fois sur ThinkGeek, ça coûte 20$ seulement. Donc, un petit câble, deux côtés, prise iPhone, et etc. et l'autre USB et une petite bascule au milieu. C'est bien. Bonne idée. Tu te servirais pas de ça, toi? Bon, non. Si on te le donnait, tu t'en souviens. Peut-être. C'est fatigant de tout le temps changer l'option, tu sais, vu que tu peux pas choisir par appareil. iTunes devrait juste te simplifier la tâche en disant par appareil si tu veux le synchroniser ou pas automatiquement. Ça me serait plus simple. Deux tasses à café, en fait, différentes. T'arrives le matin et t'es de mauvaise humeur au travail le lundi, tu sais. Ça peut arriver. Donc ta tasse devrait être bougonne, elle aussi. Tasse noire avec deux X à la place des yeux, puis un sourire, ben, un sourire triste par en bas. Et quand tu verses ton café, chaud, oh, soudainement, la tasse devient jaune et les yeux deviennent ronds et la bouche devient heureuse. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est par Damien O'Sullivan. C'est une tasse de 11 onces, qui coûte 29$. Quand même, c'est magique. Et une autre tasse magique aussi, c'est une tasse américaine. Donc, c'est une tasse avec... c'est bleu, avec des étoiles blanches. Et quand tu verses ton café chaud, ça devient un drapeau américain avec des barres blanches et rouges. Et des étoiles. C'est cute quand même. Un classique. Un classique. Un classique, ouais. Ah, celui-là, je l'adore et j'aimerais vraiment ça l'acheter. C'est ce qu'il appelle... Achète-le! Ben, je devrais. Ça ressemble à un fer à cheval. OK. C'est un fer à cheval que tu lances, qui va coller avec des suctions sur ton MacBook ou ton appareil, ton PC, peu importe ton ordinateur, Toshiba ou whatever. Tu suctionnes ça sur ton écran et soudainement, tous tes fils USB, tu peux les passer à l'intérieur de ça et ça va les garder ensemble. Tu vas pouvoir plus facilement déplacer ton ordinateur. Ou si tu veux... Tu peux simplement le suctionner sur ton iPhone ou iPod. Le suctionner. C'est ça. Et ça va servir de stand, de petit genre de comment t'appelles ça, de choses pour le tenir debout. Là. Ouais, un petit... Un genre de stand. Ouais. Mais ça fonctionne pour ça et pour tenir les fils après votre portable. Là. Même pas besoin de rien faire. Là. Vous traînez ça dans votre sac, puis poink, suction, poink, les fils sont dedans. Ça coûte seulement 7,50$ chez P-Kid en ligne sur le iMag iPhone Stand. J'adore l'idée. Je trouve ça super cool. C'est super fort en plus. Ouais. Les suctions, ils disent que c'est super strong suction cups. Il n'y a aucune raison de douter de ça. Aucune. Il y a un petit bébé avatar qui a été créé et vendu sur eBay. Ceux qui n'ont pas assez d'avatars dans leur vie et qui veulent se faire peur, je sais pas, en se levant le matin, parce que moi, je regarde ça et j'ai peur juste en le regardant là. Donc, ça s'est vendu. Ça a été fabriqué avec du tissu bleu, je sais pas trop quoi, un mélange de peinture. Ça s'est vendu pour 165$ sur eBay. C'est un bébé qui ressemble au genre de bestiole bleue dans Avatar. OK. Je sais pas pourquoi tu voudrais ça chez toi. Je sais pas non plus. C'est bizarre. Tout comme, je sais pas pourquoi tu te servirais de ça non plus. Hein. Toi, t'es jaloux, François, mise en situation. T'es jaloux parce que ta copine porte des collants. Des collants. Pas très collants. Des collants, je t'aime. Ouais, écoute. Ouais, c'est un peu bizarre. Tu te dis, c'est ah, crime, j'aimerais ça savoir comment je me sentirais avec des collants, tu sais. Ben oui, t'en profites quand on va faire l'épicerie. Exact. Ou encore. Je veux pas être le seul. Ça doit pas. Ou encore, tu portes les pantyhose for men. C'est cool. Ou les ça. Mantyhose, oui, c'est nouveau, c'est une nouvelle mode. Après les pyjama pants, là, les jeans qui sont. C'est pour ça ressembler à des jeans, mais c'est dans le fond, c'est des pyjamas. Puis les gens portent ça. Ou encore, après les superbes cotons ouatés que les gens portent pour aller au centre d'achat. C'est super classe. Donc, les gars peuvent maintenant se satisfaire de leur propre mode. Propre à eux, pour 27$ pour porter des mantyhose ou sinon ils appellent ça aussi des brogeries. Des brogeries. Brogeries, c'est comme hosiery là, pour les femmes, mais là c'est bro à la place de ho. Hey bro. C'est bro. Il y a eu un concours pour les noms, je pense, là, parce qu'il parlait de guylons. Ok. Au lieu de je sais pas quoi. Des heatards ou des bohos. Des bohos. Bohose. Hose comme des hoses. Là, tu portes des hoses, des pantyhose, des collants. Okay. Pantyhose en anglais. Bohose, beau comme... Et ça se vend? Ça se vend 27$ chaque. Quelle couleur? Plein de sortes. Hein? J'en vois des noirs avec une genre de bande couleur genre pêche ou blanche. Ah, ben ça serait peut-être pas pire. T'en as avec un motif quadrillé. OK. Qui ouais. fait genre planche d'échec ou un damier ou quelque chose de genre. Non, c'est quelque chose. Jamais de la vie, je porterais ça. Mais en fait, ça pourrait être confortable, j'imagine, probablement, sûrement. Il appelle ça des collants unisexes en plus sur Internet. Hein. Unisexe. C'est un genre. On juge personne. Ben non. Ford a eu une bonne idée. François, interrompons cette mission pour Ford qui a eu une bonne idée. Apparemment que c'est rare. Apparemment. Donc Ford qui a eu une bonne idée, c'est d'ouvrir une porte, la portière de ta valise ouais. avec un botté. Tu bottes un ah, genre ouais. de petit levier pour ouvrir la porte. Et faut que tu aies une clé sur toi, une clé spéciale qui va être détectée par le camion. Ouais, qui débarre le... Ça débarre. Ça existe déjà, là? Pour les véhicules? En fait, à chaque fois que tu t'approches de ton véhicule, la clé envoie un signal. Ouais, ça, les portes se débarrent automatiquement. Okay. Ça, c'est cool, mais imagine si tu peux, après ça, une fois que ça détecte que t'es là, botter un petit bouton par terre, près des pneus. Ouais, ça, c'est cool. Et ça ouvre ta portière, t'as des sacs d'épicerie dans les mains. C'est sur quelle voiture, ça? C'est sur la SUV Kiga. Kiga? Kiga. K-I-G-A. Mais c'est pas sorti, ça? C'est pas encore, je crois que c'est pas encore sorti. Mais ça a été révélé récemment. Okay. Si je comprends bien. C'est une bonne deux. Mais oui, tout à fait. En fait, ça dit que la Kuga est. Kuga ou Kiga? C'est appelé deux fois différemment je dans l'article. Mais c'est une voiture européenne. Et, OK. On dit que c'était disponible sur la Ford Escape depuis novembre dernier. Ça, je savais pas. Donc, la Ford Escape, donc en ce moment, j'imagine, aux États-Unis, ça doit être déjà actif là-dessus. Mais bon. Pour ceux qui ont un véhicule utilitaire sport de l'année, là, ouais. vous l'avez. Félicitations. Instaprint, maintenant, qui est un genre de photo booth, tu sais, un kiosque à photos qu'on a dans les centres d'achat. Il n'y en a plus vraiment beaucoup de nos jours, mais chez au Carrefour, il y en a encore une machine à photos. Mais ça, c'est pour acheter. Donc, tu l'achètes, tu la mets chez toi, et c'est pas une boîte dans laquelle tu te mets, là. C'est juste. Tu te mets. Il y en a qui se mettent dans ces boîtes-là, apparemment. Mais non, c'est une affaire que tu branches sur le mur, et ça fonctionne avec Instagram. Tu sais, l'application Instagram pour le iPhone, etc., où tu peux prendre une photo puis la vieillir un peu, faire des effets dessus. Et bien, si tu envoies cette photo-là avec un genre de hashtag ou un mot-clic sur Twitter, un hashtag précis, ça va automatiquement l'imprimer dans la machine Instaprint. Okay? Donc, l'idée, c'est que tu mets ça dans une pièce, dans un party, et là, tout le monde envoie des photos à ce hashtag-là, et puis ça arrive, ça se fait développer dans cet Instaprint-là. Oh. C'est cool, je sais pas qui achèterait ça pour vrai. Ouais, c'est ça, c'est beau, hein? Mais l'idée est cool. Ouais. Prochain problème, savais-tu que à la base, tes yeux, OK, quand tu regardes quelque chose, ta vision est à l'envers en vrai. OK? La vision, tu vois de haut, le haut est en bas et le bas est en haut, et c'est dans ton œil, dans ton cerveau, tout ça, que tout est replacé. Je mets ça à l'endroit. Exactement ça. Donc, c'est notre cerveau qui compense pour ça, on la revient en bas. Donc, si vous voulez savoir de quoi, ce que vos yeux voient vraiment, hein? Mais il te faut les reversing goggles, bien sûr. Donc, ça ressemble un petit peu... Et te remettre ça à l'envers. Oui, oui. Ou de côté. Ou de côté. De côté, si tu veux vraiment varier. T'as les deux options? Je crois que tu peux le virer à la main toi-même, donc tu dois pouvoir faire l'angle pas mal comme tu veux. Donc, c'est vraiment cool. Évidemment, ça aide d'avoir peut-être bu un peu aussi avant pour retrouver sa forme, peut-être. Ouais, mais c'est ça. Mais exemple, quelqu'un qui est pas mal amoché, tu y mets ça, puis d'après moi, ça doit ressortir pas mal assez vite. Malade. Donc, les Reversing Goggles, ça coûte 87$ pour le savoir. Et ça ressemble visuellement, si, pour ceux qui se rappellent du Virtual Boy, ça ressemble à ça un petit peu. C'est genre rouge et puis tu te mets ça dans les yeux. C'est beau. Et on termine avec une voiture zéro gravité pour le frigo. Parce que des fois, t'as de la misère avec ça. Un frigo, c'est plat, c'est laid, c'est blanc. Si tu veux un petit peu de divertissement, puis tes petites voitures, là, tes petites voiturettes punka, là, ça va pas sur le frigo, ça tient pas. Donc, il faut cette Zero Gravity Fridge Car, qui est une voiture avec des aimants. En fait, il y a un aimant qui tire sur la voiture. Et puis, ça fait que ça se promène un petit peu partout sur ton frigo. De haut en bas. C'est super cute. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Et voilà pour la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. Merci Mathieu. Ça me fait plaisir de voir ça. Ben, Colin, t'es énorme fin. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt. Simon Fitzbé s'en vient avec sa chronique Phénomène. Et François Landry qui va nous parler de politique. Wow. Moi, j'ai hâte à la deuxième heure. Oui. Je vais rester à l'écoute. Ça s'en vient. Là. Ah ouais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Mathieu et FO sont comme les fraises sur vos céréales, les bananes sur vos rôtis, le sucre dans votre café. Sont-ils essentiels? Non, mais ils rajoutent de la saveur à vos matins. Vous écoutez Assemblage requis. Ça donne faim ça matin. Ben oui, certainement. Comment t'as dit ça? On est délicieux. Oui, délicieux, ben surtout toi. Oh. Ouais, donc toujours Assemblage requis. Simon fait bien un autre ingrédient de qualité. C'est comme le Sucre en poudre, ouais. J'allais dire le lait, mais je trouvais ça un petit peu insultant. T'sais. Ah, non. C'est François Landry, c'est le lait. Oh, je pense que c'était cool pas... en bas de la ceinture, bing! C'est un peu gratuit, ça, là. Là. Ah oui? Hein? Ça n'a rien coûté du tout. Voici la chronique de Simon Fitzbé. C'est Phénomène. Un texte, c'est du piano? Je joue du air piano avec deux doigts. Ouais. Stable air piano. Parce que t'es pas dans l'air, là, t'es sur une table. Ouais. Hein? Ben, ça va mieux parce que sinon, t'as comme une main qui va plus bas que l'autre, puis ça fait plus. C'est le taxi, là. Pète ton piano. Mais c'est de l'émotion. c'est de la grosse émotion. Tu vas avec un iPad bientôt, tu vas faire du air iPad piano. Ouais, avec le new iPad. New iPad! Bon. Donc, Simon Fitzbé aujourd'hui. Nouvelle caméra. Ah oui, super belle caméra. Celle d'en avant, c'est une webcam des années 90. Donc, Simon Fitzbé qui nous parle aujourd'hui des grandes femmes de l'histoire de la musique. C'est la journée de la femme. Là. Effectivement. Donc, je vous appellerai mesdames aujourd'hui. Parfait. Merci. Pour rendre hommage aux femmes. Yeah. Donc, messieurs, comme nous sommes aujourd'hui la journée internationale de la femme, j'ai décidé d'être un vrai gentleman et offrir ma chronique aux grandes femmes du monde de la musique. Elles 5 sont... pieds 11 minimum, ça? non, parce que notre numéro 1 fait en bas de ça, je crois. En bas de 4 pieds, je pense. Ouais, ouais. Donc, elles sont fortes, flamboyantes, battantes, amoureuses et remarquables. Ce sont des chanteuses et musiciennes qui ont marqué le monde de la musique par leur voix et leur charisme. Donc, cette semaine, je vous offre une petite compilation maison des femmes qui ont su rocker le monde par leur voix et leur musique. Et on débute en cinquième position avec les sœurs Wilson. Donc, les sœurs Anne et Nancy Wilson sont le cœur du groupe Heart. Jeu de mots ici. Et ce groupe qui a amassé une popularité immense dans les années 1970. Avec la voix angélique, mais puissante, appuyée par la guitare virtuose de sa sœur Nancy, qui est la preuve vivante qu'on peut être immensément jolie et interpréter des solos d'enfer à la guitare. Le groupe a accumulé succès par-dessus succès avec des hits comme Barracuda, Magic Man et Crazy on You, qui sont d'ailleurs des pièces écrites par les sœurs Wilson. C'est Anne qui a formé Hocus Pocus avec Stephen Fosson, Roger Fisher, David Belzer ainsi que Jeff Johnson. Et le groupe est ensuite devenu Heart lorsque le groupe rejoint Anne, en fait, qui s'était entché de Mike, le frère de Roger Fisher. J'ai l'impression de raconter des histoires de top model. Ouais, ça ressemble à ça. Lui était déserteur pendant la guerre du Vietnam. Il s'est enfui au Canada. Et donc, Heart s'est basé au Canada pour la plupart de ses succès. Elle décida de rester avec lui après l'avoir rencontré dans un concert d'Hocus Pocus en 1972. Nancy, elle, s'est joint au groupe en 1972. Après avoir abandonné ses études en art au collège et après avoir fait quelques concerts solo en tant que guitariste. Et ensemble, elles forment le duo parfait qui soude le groupe Heart ensemble. On oublie souvent les autres membres du groupe, mais on se souvient toujours de ces deux rockers au talent figurin et à la beauté légendaire que sont les sœurs Wilson. « Heart avec le grand succès Crazy on You, bien sûr, qui joue encore aujourd'hui, surtout les postes de radio rock classique. Là, c'est un de leurs très, très, très grands succès que j'ai choisi d'ailleurs pour l'excellent riff de guitare au tout début par Nancy Wilson, oui, qui joue à la guitare acoustique. D'ailleurs, Heart font encore des concerts. C'est surtout les frères Wilson. Les sœurs Wilson qui font des concerts avec des musiciens invités, si on veut, puisque le groupe Heart comme tel n'est plus ce qu'il était. Là. Les autres musiciens ont quitté le groupe éventuellement, ont été remplacés. Mais le cœur du groupe reste encore et toujours le même. Et Nancy Wilson a très bien vieilli. Cette femme-là, elle m'éblouit vraiment. Je la trouve vraiment jolie. Quel âge ils peuvent avoir? En fait, je crois c'est mi-cinquantaine, début soixantaine à peu près. Okay. C'est pas poli de dire les âges des femmes. Je m'excuse. Franchement. Je ne recommencerai plus. Ouais, c'est la journée de la femme, là. Oh, internationale en plus. Attention. Et ce qui nous emmène maintenant à la quatrième position de ce top 5 maison, en fait, c'est les Runaways, bien sûr. Le groupe The Runaways, qui pourrait se traduire littéralement par En fugue, et le premier groupe féminin de heavy rock que le monde ait connu. Le groupe composé par la batteuse Sandy West, la guitariste Joan Jett, la soliste Lita Ford, la chanteuse Cherry Curry, ainsi que la bassiste Jackie Fox, a remporté un succès incroyable dès la sortie de leur premier album homonyme sur l'étiquette Mercury, qui les emmène sur la route alors qu'elle partage la scène avec Cheap Trick, Tom Petty and the Heartbreaker ainsi que les Ramones et Blondie. C'est grâce à un second album, Queen of Noise, qu'elle remporte un succès mondial. Elle se donne en concert en Europe, au Japon ainsi qu'aux États-Unis, bien sûr, en étant en tête d'affiche et gagne un public culte de jeunes garçons, mais surtout de jeunes filles qui s'identifient beaucoup au groupe. Bien que le groupe soit très féminin, on peut souligner que les filles se sont basées sur des influences très masculines lorsqu'il fut temps de bâtir un look. Curry s'est basé sur David Bowie, alors que Donc David Bowie, c'est un modèle masculin, c'est ça? C'est-à-dire, il était très glam, il jouait un peu sur la limite entre hommes et femmes, androgyne, mais ça restait un gars, et ça a toujours été un gars très mâle quand même qui séduisait les femmes, c'est un modèle quand même masculin. Okay. Ouais. C'est-à-dire que Cherry Curry s'est basé sur David Bowie, alors que Joan Jett, elle, s'est inspirée de Keith Richards, on parle beaucoup plus masculin, alors que Lita Ford, elle, s'est inspirée, entre autres, de Jeff Beck. Et Lita Ford, c'était un peu comme la battante du groupe, la grosse rocker, là, si on veut. Et elle s'identifie à Jeff Beck, qui était tout un rocker également dans son temps. Malheureusement, le groupe en est arrivé à une impasse en 1979, alors que Joan Jett souhaitait amener le groupe vers un mouvement plus punk rock, alors que Lita Ford, elle, souhaitait prendre une direction plus proche du metal, qui était encore émergent à l'époque. C'est ce qui mit fin, en fait, à l'aventure des Runaways. Par contre, soulignons que les carrières talentueuses des chanteuses et musiciennes de ce groupe ne s'est pas arrêtée là. Joan Jett a connu beaucoup de succès, entre autres dans les années 80, en reprenant la pièce Crimson and Clover, et ainsi qu'en enregistrant le grand succès I Love Rock and Roll, bien sûr, qui joue encore dans toutes les stations. Maintenant rendu qu'il était, mais c'est une bonne pièce quand même, selon moi. Et Lita Ford, elle a connu un très grand succès en tant qu'artiste solo de heavy metal. Elle a lancé plusieurs albums sous son propre nom dans les années 1980. Et Cherry Curry, oui, elle, entre autres, s'est illustrée au cinéma également dans les années 80 et 90. Cherry Bomb par les Runaways, qui ont été leur tout premier numéro 1, leur tout premier succès sur leur album homonyme. Ce qui nous emmène maintenant au numéro 3 de ce top 5 féminin, bien sûr, puisque aujourd'hui, dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage Requis, on vous parle des grandes femmes de l'histoire de la musique, bien sûr. Et c'est un petit top 5, ça aurait pu être un top 100 même, tellement qu'il y en aurait. Mais c'est pas une saison qu'on dédie à ce topic, ce sujet, malheureusement. On dit pas qu'ils méritent juste une journée, les filles. Non. Ils en méritent 365, comme tout le monde. Et voilà. Et c'est 366 cette année. Oui. Donc, on en gardera une pour les hommes, peut-être. Je sais pas. Je pense que les hommes en ont pas mal déjà, les jours. Oui, effectivement. Ça, je suis bien d'accord avec toi, Mathieu. Ce qui nous amène donc au numéro 3 de ce top 5, c'est Diane Dufresne, bien sûr. Diane Dufresne, qui est une chanteuse des plus flamboyantes que le Québec ait connue. Elle sut redoubler d'audace et de folie sur scène en osant toujours aller plus loin que les autres chanteuses à voix traditionnelles. Elle débute sa carrière en 1972 avec un album annonciateur, Tiens-toi bien, j'arrive, qui se lie, et se lie plutôt d'amitié avec l'auteur Luc Plamondon, qui lui offrira ses plus grandes chansons. C'est son conjoint dans les années 1970, François Cousineau, qui lui orchestre la plupart de ses albums. Elle était également très provocatrice et libre. Dufresne ne se barre pas tant sur scène que sur album et elle apparaît entre autres les seins vêtus uniquement de lisse peinturés et également elle donnait des concerts uniquement vêtus de ballons. Et les ballons s'envolaient à la fin. C'est sans aucun doute, oui, que Diane Dufresne est une des meilleures exemples de l'émancipation de la femme et du féminisme au Québec. Elle a toujours su nous surprendre. Ses chansons concernent à la fois la rébellion, la folie ainsi que la drogue. Encore aujourd'hui, elle continue à nous surprendre et à nous éblouir avec des sujets et des présences encore plus éclatées les unes que les autres. Diane Dufresne avec « Tiens-toi bien, j'arrive » qui constitue les seules paroles de cette pièce, mais qui démontre la force qu'elle pouvait avoir, la fougue également sur une pièce, ainsi que son talent de chanteuse. Elle était capable de monter très, très haut et de souvenir ses notes. C'est vraiment très, très génial. Vraiment une des plus grandes chanteuses que le Québec ait connues dans son histoire. Ce qui nous amène maintenant, bien sûr, dans ce top 5 personnel improvisé, non pas improvisé, mais plutôt... top 5 personnel. Tes femmes préférées dans le domaine de la musique. Mes femmes préférées, oui, dans le domaine de la musique que j'ai fait bien humblement et il y en aurait plusieurs autres qui pourraient se retrouver là. En fait, on se retrouve au top 2 avec Janis Joplin. Bien sûr, ce palmarès ne serait pas Bien sûr, ce palmarès ne serait pas complet sans la grande, l'immense, l'enflammée Janis, considérée par plusieurs comme la chanteuse la plus importante issue du mouvement Flower Power. Janis Joplin a marqué l'imaginaire et influence encore à ce jour les femmes ainsi que chanteuses également de ce monde. Janis s'est illustrée sur les plus grandes scènes des États-Unis malgré sa courte carrière. Elle a entre autres volé le show à Woodstock et est maintenant reconnue comme une véritable bête de scène. Janis Joplin est une figure de proue du féminisme. Elle a dirigé, oui, sa carrière et sa vie aussi bien qu'un homme l'aurait pu faire. En fait, elle voulait être un homme. Elle chantait comme un homme, elle buvait comme un homme, elle séduisait comme un homme et elle se droguait également comme seul un gars pouvait le faire. Ce qui a malheureusement, bien sûr, causé sa perte. Malgré tout, elle a été plus femme que femme en s'offrant un exemple, oui, à la cause féministe plutôt. Ouais. Elle a connu le succès avec Big Brother and the Holding Company ainsi qu'avec Cosmic Blues Band. Et j'aimerais rajouter que si ce n'était pas d'elle, ces groupes n'auraient pas eu de succès. Parce qu'on le sait, Big Brother and the Holding Company a continué malgré Janis Joplin, malgré son départ. Et ça a jamais été un succès. Ça n'a pas été un succès. Et en plus, également, elle a lancé un album solo composé d'enregistrements qu'elle avait fait quelques temps avant sa mort. Elle restera probablement, oui, une des femmes les plus flamboyantes du rock, malgré une carrière courte de 4 ans. Elle restera dans les mémoires pour avoir été une des premières et des seules rockeuses à mourir à l'âge de 27 ans. Public pain. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I wanna think I've had enough. But when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Pleasure. Take another little bit of my heart now. Il s'agissait bien sûr de Janis Joplin et Big Brother and the Holding Company avec la pièce Piece of My Heart, bien sûr, qui était en quatrième, plutôt en deuxième position de ce top 5 des plus grandes femmes de l'histoire de la musique. Et ce qui nous emmène maintenant, bien sûr, au numéro 1 de ce top 5 des plus grandes femmes de la chanson, de la musique, de l'histoire du rock. Et bien sûr, c'est dans le cadre d'Assemblage Requis, dans le cadre de Phénomène. Je suis Simon Fitzbé, ils sont Mathieu Plante, François-Olivier Marchand. Es-tu sûr? Françoise Plante et Mathilde. Françoise Plante. Mathilde Serge. Ouais, pas sûr que j'aime ça. Ouais, c'est ça, pas sûr. En tout cas, si on a un enfant, ça va être Plante, ça va pas marcher, c'est sûr. Hein? Ah, bref. On était où, là? Un enfant? Ce qui nous amène au numéro 1 de ce top 5, bien sûr, improvisé. Donc, top 5 qui se retrouve, en fait, au numéro 1. Édith Piaf. Oh! Édith Piaf, bien sûr, qui est sans nul doute un des symboles les plus forts de la femme émancipée. La petite femme, bien sûr, qui, selon la légende, fut élevée dans une maison close entourée par des femmes qui la chouchouta toute son enfance, oui. Elle fut découverte alors qu'elle chantait a cappella sur la rue. Elle devient chanteuse de cabaret à 20 ans, 1935, sous le nom de La Môme Piaf. Elle enregistre son tout premier disque chez Polydor l'année suivante et obtient un succès instantané. Elle débute sur les planches du Music Hall en 1938 et s'illustre dans les différentes salles de France ainsi que de l'Europe occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré qu'elle joue devant les Allemands, elle n'hésite pas à chanter des chansons parlant de résistance et à quel point elle avait du front, la dame. Elle obtient également un succès mondial à la fin de la guerre en chantant en français, même à New York. Elle fut également mentor pour les jeunes Charles Aznavour et Jean Ducharme ainsi que Claude Léveillé, qui connurent tout un succès phénoménal après avoir appris avec la grande dame de la chanson. Édith Piaf ne se faisait pas marcher sur les pieds. C'était une femme qui connaissait ses valeurs ainsi que ses forces. Elle dirigeait elle-même sa vie et refusait qu'on critique son talent. Elle menait ses musiciens ainsi que ses collaborateurs à bon port en écrivant certaines des plus grandes chansons de son répertoire. Édith Piaf est sans nul doute une des grandes femmes de la chanson et mérite amplement la place au numéro 1 de ce petit palmarès maison. Elle reste une des premières grandes dames de la chanson française dont le succès reste encore inégalé à ce jour. D'autres femmes auraient pu se retrouver dans ce palmarès-là, là. Entre autres la Bolduc, que j'aurais voulu placer même d'ailleurs au numéro 1, mais j'étais comme tiraillé entre la Bolduc et Edith Piaf. Aretha Franklin, Etta James, Big Mama Thornton, ainsi que bien d'autres. Mais il s'agit de ma décision et de mes choix, bien sûr, et j'aimerais, de même chef, souhaiter une très bonne journée de la femme à toutes mes amies du sexe féminin. Je vous aime, mesdames. Un vrai gentleman. Bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes mains, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Je m'abandonne si tu m'aimes. Par moi, je m'aimerais aussi. Que nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Bien sûr, pas question de censurer la finale de cette pièce-là, hein, comme ça a été fait. Enfin, vous lirez les journaux. Qu'est-ce qui a été censuré? Oui, dans une classe. La dernière phrase a été censurée dans une classe d'une école de Sorel parce que c'était jugé offensant pour les non-catholiques. Est-ce qu'on peut la citer, la phrase? Oui, c'est « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». D'accord. Donc, ça a été coupé au montage dans certaines écoles. Bref. Ouais, d'ailleurs, Fabienne Larouche faisait une parodie de ça dans 30 vies hier. Ben, c'est vite, et vite, c'est l'actualité. Et comme TVA, mais c'est à Radio-Canada, et c'est la nouvelle. C'est ça. Moi, j'écoute plus les nouvelles, j'écoute 30 vies. Ouais. C'est pareil. C'est la même chose. Bref, oui, Édith Piaf avec, bien sûr, la pièce « L'hymne à l'amour », qui est vraiment géniale, qui a été reprise par à peu près tout le monde, là, dont Offenbach, qui en a fait une très bonne version, d'ailleurs. Ben, c'est la journée de la femme, et pourquoi pas présenter l'original par une des plus grande femme du monde de la musique, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Simon. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. On te retrouve un petit peu partout dans la grille horaire de C'est fou. Les lundis soirs à 20h, c'est Catalepsie, l'émission musicale thématique. Oui. Ça... Oui. Non, quand tu veux, si tu as un sujet. En fait, on va parler de l'engagement, d'accord, des causes sociales, etc. Probablement quelques mots sur la grève étudiante. Étudiant, bien sûr, puisque c'est d'actualité et ça serait intéressant. Parfait. Ça rejoue mercredi à 13h et samedi à 18h. Et t'as l'album classique les vendredis matin à 10h. Oui, on débute une première de deux, en fait, demain. On va vous présenter le tout premier album du groupe Chicago, alors que ça s'appelait Chicago Transit Authority. Et c'est l'album du même nom, bien sûr. Un des premiers albums de jazz rock. Et un excellent album, en fait. Parfait. Ça rejoue dimanche à 16h et mardi à 17h. Et finalement, ta chronique Les éphémérides du rock dans Rock Classique avec Alain Lefebvre les vendredis matin à 11h. Bien sûr. Voilà. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci, messieurs. À la semaine prochaine. C'est à jeudi bientôt. À 8h. Oui. Évidemment, tu restes avec nous pour François Landry. Ça, ça va sans dire. Oui. Donc, on écoute pour l'instant Marie-Pierre Arthur. Voici Fil de soie. Assemblage requis jusqu'à 9h. Ne l'attends pas, elle rentrera trop tard. Ferme les yeux, rassure-toi, tu la reverras. Retour Harper, NPD, La Pointe, Legault, sans oublier la femme. À Legocratie 101 avec François Landry. Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Lundi, à Assemblage requis. On fait un petit détour en Alberta pour parler avec Kiwan en cavale. Xavier Antoine nous apporte du thé dans Tais-toi et cuisine et le résumé des nouvelles sportives avec Nicolas Ducharme. C'est Ducharme et du sport. Lundi, à Assemblage requis, il est 7h. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. François-Olivier Marchand, Mathieu Plante, à 8h38. Oui. Oui, il nous reste juste assez de temps pour parler de politique avec François Landry. Alors, le voici. Levons-nous tous ensemble. C'est Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègues. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègues, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. C'est long. Donc, François Landry qui arrive avec Logocratie 101. Toujours long l'intro, mais toujours tellement bonne. Ouais, bonne. Ça, toujours solennel. Faut quand même prendre le temps de se replier sur nous-mêmes pour voir qu'il y a quelques langues. Yeah. Ça, il y en a qui se replient sur eux. C'est parti sur une dérape qui aboutit à nulle part. Là. En tant que tu parles pas de gens qui se penchent par en avant, ça va bien. En politique, non, mais je sais pas. Là. Bon, il y en a qui font, là. Oui, oui. Il y en a qui plient les chines. Et voilà. Oui. Est-ce que c'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui? Je sais qu'il y en a de nombreux sujets. Disons qu'il y en a qui pourraient. OK. Pourraient. Parce que ça... J'ai fait un melting pot politique cette semaine parce qu'il n'y a pas de gros sujets. À l'UQTR, nous sommes en semaine de relâche. C'est vrai. Et à l'Assemblée nationale aussi. Eux autres, c'est deux semaines de relâche. Pour vrai? Oui. Cette semaine, la semaine prochaine, ils seront en congé. Rien de trop beau. Ils venaient de revenir. Il est revenu à quelle date? Début février. T'sais. Mais ça, c'est le calendrier obligatoire. Il faut qu'ils passent au moins deux semaines chez eux dans leur circonscription pour recevoir les doléances de leur commettant. Donc, les plaintes. Entre autres, puis les étudiants par-ci par-là. Ça brasse. Donc, ils n'ont pas le choix. C'est leur devoir. Ils sont en relâche, oui, mais ils sont dans leur comté pour couper les petits rubans, remettre des bourses, puis paraître dans les journaux. On est présent. Pour dire que, regardez, le gouvernement est proche du peuple. Donc, embrasser des bébés. Toujours. Disons qu'il y a des difficultés. C'est plus, on prend le bébé, on le lève dans les airs, puis on fait comme dans le Roi Lion. Puis on change pas de couche. Simba. quelque chose à eux. Ouais. Bon. Aujourd'hui, melting pot politique. Je vais parler de Harper, NPD, Lapointe, Legault, et je vais terminer avec la femme, parce que, bon, Simon, on a parlé... oui, c'est une femme. Montagne Elva, c'est une femme. Oui, une femme de béton, même. Une dame de béton. Pauline, ça encore? Ah, Pauline. Je parlerai pas de Pauline aujourd'hui, non, parce qu'elle a rien fait cette semaine, Pauline, qui se démarque. Elle a juste... C'est sa stratégie, d'ailleurs. Hein? Oui, on en parle. Notre théorie se tient. Le Parti québécois est toujours en hausse ces temps-ci, donc la théorie se tient. Mais oui, Stephen Harper, j'avais parlé la semaine passée des appels possiblement frauduleux avec Pierre Poutine de la rue séparatiste à Joliette. On a vérifié, il n'existe pas de Pierre Poutine à Joliette, encore moins une rue séparatiste, aux dernières nouvelles du moins. Mais il y a un Jean Smoke Meat, par contre. Oh! Jean Smoke Meat. C'est intéressant, non, ça. Je sais pas. Intéressant? Non. Non? Non. Non. Ah, non. Décevant, de bord. Bon. Jean de Joliette, souvenez-vous. On a un Henri. Henri, le roi de la patate. Ah, OK. Henri Hot Dog. Ouais. Ça, Henri, c'est une institution... Henri de la patate. Ouais. Tu ne peux pas parler contre Henri à quelqu'un de Joliette. Wow, j'apprends des choses. Ouais. C'est la meilleure, c'est là que ça a été inventé, non, c'est ça? Non, mais c'est la meilleure au Québec. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu un concours, puis la meilleure poutine, c'est l'Henri? On s'en parlera parce que celle à Saint-Élie a fait figure de proue au Québec aussi. Donc, attention. Oh boy, les petits carrés de village. Je sens un goûter ici. On pourrait faire ça. Une super. Chronique estivale de qui possède la meilleure poutine. On fera ça. Un road trip où on goûte des poutines. Dans Mauricie, oui. Donc, oui, Steve Lamper parlant de poutine, donc quelque chose qui est quand même fade, mais succulent, Stephen Harper. aucune idée. Donc, pour la première fois cette semaine, il a reconnu qu'il y aurait probablement quelque chose de louche. Il y a quoi de bizarre? Il y a quelque chose de bizarre. Il l'a reconnu pour la première fois. Donc. Ça fait des semaines, des jours que... Il y a plusieurs plaintes, d'ailleurs, qui ont été faites. Des milliers de plaintes. François, tu dis des dizaines de milliers de plaintes. Au dernier niveau, c'est 30 000 plaintes qui ont été déposées à Élections Canada. Non, mais c'est énorme, là. Énorme. Écoute, on parlait de 46 circonscriptions, dont, entre autres, dans Guelph, où là, c'était vraiment patent. Mais cette semaine, dans une deuxième circonscription, je ne dirai pas le nom parce que je pourrais gagner facilement au Scrabble. Je m'imprègne de le prononcer. Mais dans cette circonscription-là aussi, Élections Canada a ouvert une enquête. Et là, Stephen Harper a dit que nous considérons que les activités qui semblent avoir été menées dans Guelph sont totalement inacceptables et nous voulons voir cette affaire examinée et résolue. Mais pourquoi ils ouvrent des enquêtes seulement dans deux circonscriptions? Parce qu'ils ont des preuves. C'est comme la police, quand ils peuvent ouvrir d'enquête tant qu'il n'y a pas suffisamment de plaintes. Ils peuvent ouvrir un dossier, mais pas nécessairement une enquête. Et ensuite, quand il y a des preuves d'accumuler ou des indices qui porteraient à croire qu'il pourrait y avoir un dépôt d'accusation, donc là, ils rouvrent une enquête. Okay. Mais Élections Canada n'a pas les outils nécessaires pour faire ça parce qu'ils sont rigides par la loi d'Élections Canada, qui chapeaute, dans le fond, l'organisme Élections Canada, et ça relève du gouvernement. Et qui est le gouvernement? Ouais. Stephen Harper, majoritaire. Ouais. Donc, veut-il? Mais la réponse est oui, maintenant. Parce que le NPD, cette semaine, va profiter de sa journée de l'opposition. Ça, c'est une à deux fois par session parlementaire. L'opposition a sa propre journée où c'est eux qui rédigent l'ordre du jour. OK. Donc là, le NPD a dit, nous autres, on va mettre une motion dedans pour octroyer des droits supplémentaires, des pouvoirs. Des pouvoirs, voilà le mot que je cherchais, merci. À Élections Canada, qui vont pouvoir élargir leur réseau d'enquête. Et là, le Parti conservateur a dit, nous allons adhérer à cet avis de motion-là. Donc, on va aller de l'avant. Et sauf que, c'est bien beau de voir tout ça, mais ça va juste être, on va regarder, ça va juste élargir ce qu'ils ont présentement. Ça donne pas des pouvoirs accrus. Ça va juste faciliter l'enquête, mais sans mesures contraignantes. Donc, c'est pas Élections Canada qui va pouvoir porter plainte envers la GRC. Il va falloir que la GRC, elle, prenne en charge le dossier d'Élections Canada pour pouvoir porter des accusations s'il y a lieu. Donc, des pouvoirs accrus, c'est oui. C'est assez complexe. Mais plus ou moins, c'est pour ce que ça vaut. Exactement. Donc, le Parti conservateur pourrait facilement s'en sortir de par ça. Mais ils font mesure, ils font amende honorable en disant « Oui, on veut qu'il y ait une enquête là-dessus. » Donc, mais 30 000 plaintes, c'est parce qu'à un moment donné... Ça pèse haut. C'est pas mal. Il y a eu un sondage effectué à travers le Canada là-dessus, à savoir qu'est-ce que les Canadiens pensent de ce dossier-là. Un sondage effectué par la firme Angus Reid, qu'on connaît très bien aussi au Québec, où 81% des Canadiens voudraient une enquête indépendante, non pas par Élections Canada, mais par le gouvernement, mais par un juge, exemple, le juge Gumrey ou... 81%? C'est énorme. C'est 4 cinquièmes, là. C'est 4 Canadiens sur 5 qui veulent ça. Et il y en a... Ça me surprend. Le chiffre me surprend. Ben, quand même pas. Parce que dans le Canada anglais, tu sais, les conservateurs sont assez forts. Oui, mais quand même, ils veulent... conservateurs, c'est sur la liberté, surtout, qui prime. Et là, ils veulent la démocratie. Exactement, c'est le principe même de... Les fondements même de la démocratie canadienne, ça a toujours été, justement, le choix de l'électeur. Donc, ils veulent aller là, ils veulent pas se faire dire qu'ils ont été bafoués, donc... En ce sens-là, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et 50% des répondants, dont 61% seulement au Québec, pensent qu'une élection partielle devrait être tenue dans les circonscriptions où les coups de téléphone ont eu lieu. Ben, partout où il y a eu au moins une plainte. Ça serait... Une plainte vérifiée et... Parce que c'est pas porter plainte. Non. Mais au moins une plainte dûment enregistrée. Je serais pas contre l'idée. Mais il faudrait voir le bouleversement sur la scène politique parce que... Non, ils veulent pas. Ça serait un précédent sans précédent, justement. donc, oui. Et pendant ce temps-là, est-ce que le NPD fait sa job? On peut se poser la question. Oui, si on regarde Alexandre Boulris, entre autres, le député d'Outremont, pas d'Outremont, ça c'est Thomas Mulcair, mais le Rosemont, la petite patrie, à Montréal. Alexandre Boulris, qui est un jeune de notre âge, qui fait extrêmement bien sa job, avec les mains un peu liées de par son parti, qui est paralysé de par la course à la chefferie. Ouais. Là, l'opposition elle n'est pas très très forte, c'est pour ça que Harper n'est pas pressé. Il y a quand même une pression, mais il n'est pas pressé en tant que tel pour aller de l'avant ou pour s'excuser ou pour agir. Parce que l'interminable course à la chefferie du NPD va se solder très bientôt, le 24 mars, donc dans deux semaines. C'est le 24 mars que là, c'est voté, c'est officiel. On devrait savoir au bulletin de nouvelles le soir qui est maintenant le ou la chef du NPD, parce qu'il y a quand même de très bonnes candidates à la course à la chefferie, Peggy Nash et Nikki Ashton. Peggy Nash a de très grandes chances de se faufiler entre les meneurs. Donc, ça sera à surveiller. Et donc, c'est le 24 mars en congrès. Mais ceux qui sont membres du NPD, bon, je m'adresse à vous aujourd'hui, vous avez reçu dans votre boîte de courrier le parfait petit kit. Tu l'as pas reçu encore. Tu devrais le recevoir cette semaine puisque ça a été envoyé pour cette semaine. Donc, tu devrais le recevoir bientôt. La petite enveloppe avec le petit guide de l'électeur parfait du NPD où on peut te montrer comment voter, soit à la main, par vote électronique ou tout simplement en allant au congrès à Toronto avec des tarifs préférentiels pour les membres. Parce qu'ils ont une entente à vie à rail et des hôtels, en tout cas, c'est... Ça revient cher quand même. Ouais, c'est ça, quand même. Un courriel, ça fait un job, hein? Ouais, ouais. Donc, oui, on vous invite à voter. C'est le futur premier ministre, peut-être. Donc, élisez quelqu'un de très bon ou de très bonne, tout dépendamment. Et puis, nous verrons ce que ça donnera. Mais pour l'instant, la course, tu sais, il n'y a pas vraiment de sondage, mais c'est Brian Tupp ou Thomas Mulcair qui se démarque le plus. Ouais, je trouve ça plate parce que j'aime bien aussi Paul Dewar. Il serait troisième ou quatrième dans le top 4. Là, c'est Brian Tupp, Thomas Mulcair, Peggy Nash et Paul Dewar. Qui est très gentil. C'est le seul qui n'a pas fait d'attaque, entre autres, envers Thomas Mulcair. Entre autres, l'a même défendu dans son truc où il aurait été courtisé par le Parti conservateur, etc., etc., là, des dernières semaines. C'est aussi lui qui a montré que Mulcair, justement, était... Il a sorti des chiffres pour dire Mulcair va probablement gagner la course en passant, les gars. C'est un ancien enseignant aussi, puis c'était le seul qui avait le carré rouge lors du débat à Montréal ou à Québec la semaine dernière. Son seul problème, c'est qu'il n'est pas bilingue. Non, c'est ça. Son gros handicap. Jack Layton n'était pas super bon non plus. Exactement. Ça, tu lèves un très bon point, mais ça a des avantages de par les autres candidats qui sont avec lui, parce que Brian Tupp, c'est un longuelois, donc il parle très bien français, très bien anglais, donc parfait bilingue. Il représente à lui seul les deux solitudes du Canada. donc, c'est lui qui, au tout départ de la course, s'était imposé comme étant le candidat de la relève, avait reçu des appuis de tout le monde. Et en cachette, même Jack Layton avait un penchant vers Brian Tupp, mais un penchant non affirmé, parce qu'il ne l'avait pas avoué directement. Mais c'est quand même Brian Tupp qui avait rédigé le fameux discours d'adieu de Jack Layton. On s'en souvient, le discours qui va faire tache d'huile dans l'histoire du Canada. Le discours qui appelait à l'espoir, et à l'avenir. Donc, continuons de nous battre pour nos droits, pour notre avenir, tout simplement. Donc, Brian Tupp, le candidat, mais son opposant, qui est, on le connaît très bien ici au Québec, c'est Thomas Mulcair, député d'Outremont, un ancien député libéral sous Jean Charest, qui a claqué la porte de par mésentente idéologique avec son chef, a été courtisé par le Parti conservateur, mais a vite tourné les talons à ce parti de droite et a rallié le NPD. Et c'est grâce, entre autres, à Mulcair qu'au Québec, le NPD... Ben, beaucoup grâce à Mulcair qu'au Québec, le NPD est très fort parce que Mulcair incarne justement le nouveau Canada et la place du Québec dans le Canada. Et aussi au Québec, on est beaucoup plus sociodémocrate que de droite. Donc, Mulcair a vraiment profité de cette sympathie naturelle des gens pour, entre autres, créer le raz-de-marée qu'on a connu le 2 mai dernier. Il y a 7 candidats qui sont toujours en liste et les deux autres, comme on parlait, c'était la torontoise Peggy Nash qui peut facilement se foufler puisque s'il y a division du vote entre Mulcair et Tupp, Peggy Nash pourrait facilement faire sa Stéphane Dion du Parti libéral et souffler entre les deux. Donc, c'est pas à négliger. Et Peggy Nash est une très grande dame de la politique, jeune dame pour le NPD qui incarne l'avenir du parti, donc le renouveau du parti. Et à cela s'ajoute aussi Paul Dewar qui, on le disait, maîtrise très mal la langue française. Saura-t-il séduire les Québécois? J'ai vraiment un doute là-dessus, mais oui, effectivement, c'est un très bon candidat qui pourrait se démarquer et qui est à surveiller. S'il ne le remporte pas, surveillez-le. Il pourrait y avoir un poste très important dans le parti. Donc, le 24 mars prochain, à surveiller. Et pour ceux qui sont membres, allez voter. C'est votre prochain chef et peut-être même votre prochain premier ministre du Canada que vous allez élire. Maintenant, pensons à une dame du Québec. Non, pas Pauline, mais bien... cherchons le nom. Lisette Lapointe, oui, pardon. J'avais juste Pauline Lapointe dans la tête, mais ça, c'est une comédienne. Lisette Lapointe qui a annoncé son départ de la vie politique. Donc, elle prendra sa retraite à la fin de son mandat actuel. Qui, contrairement à sa collègue, Mme Lapointe, sa collègue Louise Beaudoin, Mme Lapointe ne laisse pas planer de doute sur son avenir politique, sur son statut. Elle... C'est dit, je serai députée souverainiste indépendante. Tout simplement. Parce qu'il y avait plusieurs rumeurs qui l'envoyaient chez Option nationale de Jean-Martin Hossan, puisqu'elle est membre de ce parti-là, elle est aussi membre du Parti québécois. Donc, elle est tiraillée entre les deux partis souverainistes. Et tout le monde disait que Lisette, en rejoignant le parti de Jean-Martin Hossan, faut pas oublier que Lisette, c'est l'épouse de Jacques Parizeau, qui incarne encore aujourd'hui la souveraineté du Québec. Voilà. C'est lui le plus grand porte-parole de la souveraineté du Québec. Donc, en termes de poids, non, peut-être pas en termes d'idéologie, puisqu'il est quand même dans les années 60-70 Donc, ça a été un gros coup dur au Parti québécois si Parizeau, sa femme, avait appuyé Jean-Martin Hossan, mais... Ça aurait été un bon coup pour lui, par exemple. Ça... Pour Option nationale, ça aurait donné peut-être un peu plus. Map. Ouais, là, c'est ça. C'est clair que le parti aurait été vraiment lancé officiellement parce que dans les sondages... Là, il est seul encore. Tout seul, il n'y a aucune grosse pointure. Il y a eu son congrès de fondation récemment. Beaucoup de jeunes militants, beaucoup de jeunes qui veulent vraiment que ce parti fonctionne. Des associations de circonscriptions, de régions vont se créer si ce n'est pas déjà fait. Prochaines élections, je m'attends à ce qu'il y ait 125 candidats ON. Ah ouais? Ah ouais, je m'attends à ça. T'es-tu Mais sérieux? À savoir si ce sera 125 candidats, candidates solides et ou sérieux, sérieuses. C'est une autre question. C'est une autre question. Parce que les partis, la moyenne d'âge sera en bas de 21 ans aussi. Oui, ça serait le plus jeune parti. Hein? Ouais. Déjà, présentement, c'est Québec solidaire qui a la plus jeune, la plus petite moyenne d'âge, qui est, je crois, de 25 ans, entre 25 et 30 ans. Ce qui est quand même très fort, tandis que le Parti libéral, c'est la moyenne d'âge, c'est 68 ans. C'est vrai? Oui. Puis le Parti québécois, c'est 47 ans à peu près. Donc, depuis qu'Ariel Grenier est parti du Parti libéral, ça change. C'est sirène. Oui. Donc, elle, Lisette Lapointe aussi, a dit « Je ne rallierai pas un autre parti politique parce qu'aux dernières élections, je me suis fait élire sous la bannière péquiste. Je suis devenue indépendante de par choix, mais les électeurs de ma circonscription de Crémazie m'ont dit « On élit une candidate péquiste. » Donc, devenant une candidate nationaliste ou ononiste. Je sais pas comment elle appelle ça. Honniste. Une candidate honniste, ça serait trahir la pensée de mes électeurs. Ouais. Donc, elle, enfin, quelqu'un qui dit que c'est pas Lise Saint-Denis de Champlain pour le fédéral. Ouais. Qui change son capot de bord à l'encontre. Elle n'a même pas le remords. Non. Mais ça c'est une autre histoire. Mais elle, c'est quoi? Elle s'est chicanée avec Pauline, non? Elle n'avait plus les mêmes idées? Oui, avec Pauline, oui. Mais surtout, c'est la cause de la souveraineté qui lui tient à cœur, tout comme Jean-Martin Hossan, qui lui aussi avait claqué la porte parce que le Parti québécois ne faisait plus la promotion de la souveraineté. Ouais. Et Lisette Lapointe, de par son mari, on s'entend, Jean Parizeau, au souper le soir, ne doivent pas parler d'Ottawa. Ils doivent parler plutôt de la souveraineté du Québec et non pas de 30 vies comme on parlait. La discussion de tourner autour de ça. Même discussion depuis 30 ans, non-stop. Eux autres, c'est pas 30 vies, c'est 30 ans de souveraineté. Ouais, c'est ça. Un autre où on a entendu un peu parler cette semaine, mais que je reviens, puis c'est toujours intéressant de parler de ou contre lui, François Legault, de la CAQ. Il y a eu de mauvais sondages ces derniers temps. On sait, il passait de 40% ouais, ça a baissé. Là, c'est rendu à 28% à peu près. Donc, perdu la moitié de ses Peut-être appuis. Même aujourd'hui, il a perdu 1%. Ah, j'attends le prochain sondage pour voir la tendance. Et qui dit dégringolade dans les sondages, dit dégringolade pardon, dans le financement et dans le recrutement de candidats vedettes. Ouais, j'ai vu ça aussi. Plusieurs sources dans l'organisation du nouveau parti en région, surtout, constate que les baisses successives des appuis à la formation de Legault dans les récents sondages ont l'effet d'un coup de frein sur le financement. Même partiel, les données du DGEQ, donc du directeur général des élections du Québec, portent à croire que la moyenne des dons à la CAQ a fortement baissé par rapport à la campagne de novembre-décembre dernier. Donc, on sait ça rentre plus autant que ça rentre. Ça rentre plus autant. Les gens sont un peu frileux parce que, justement, sera-t-il le nouveau parti qu'on attendait tous ou sera-t-il un parti parmi tant d'autres? C'est de la frime un peu. Ouais. Depuis surtout l'arrivée de François Rebello, on s'entend, l'ancien péquiste, souverainiste, vraiment nationaliste, dans un parti non. Qui ne veut pas parler qui de ça. Qui ne veut pas discuter de ça. Qui veut pas en discuter, tout simplement. Du moins pour l'instant. Associé avec des adéquistes, farouchement conservateurs et fédéralistes. C'est un ramassis plein d'affaires, là. Tu l'as dit, c'est un ramassis. Tout simplement, c'est comme un porte-poussière, tu ramasses mais tout ce que dedans. Il ne ramasse plus d'argent, là. Beaucoup moins, du moins. Parce que ils veulent organiser des activités de financement. Et même à Trois-Rivières, quand le François Legault est venu ici, il n'y a pas longtemps, la salle était vide. La salle était vide. Les caméras ne l'ont pas montré, mais les gens à l'intérieur l'ont dit. C'était gênant. C'était où? L'hôtel gouverneur. Donc, ça peut accueillir facilement 1000 personnes. Oh, ouais. Facilement. Donc, on s'entend que c'était quasiment vide. Et ça coûtait combien pour y aller? Ah, ça, je sais pas. Les chiffres sont pas sortis. Mais par contre, tu lèves une bonne question. Gérard Deltel, dans Chauveau, à Québec, va tenir une assemblée de ce genre-là, une activité de financement. Et ça sera 1000$ pour avoir quelques secondes en privé avec François Legault. On s'entend que... Tu payes 1000$, tu as le droit d'aller serrer la main pour te dire « Hey, je vais voter pour toi », puis lui, il va dire « Ben, j'espère. » Ou « J'aimerais être candidat », puis « Ou investis chez nous, puis je te fais gagner les élections. » On sait pas la teneur des discussions là-dedans. 1000$, mais ils ont été... Il doit être dur à acheter, lui. Il y a... Bof. Non? Mais ben, tu disais qu'il avait beaucoup, beaucoup d'argent, lui. Ouais, mais quand t'en as, t'en veux toujours plus. Ouais. Hein? Et tu veux surtout le pouvoir, donc ouais, ouais, il y a beaucoup de concessions, d'où on parlait de plier les chines en début de chronique. François Legault sera sûrement prêt à plier facilement pour se faire élire. Parce qu'il y a des croûtes à manger encore, oui, mais il y a surtout des preuves à apporter comme quoi il est capable d'être premier ministrable. Donc, c'est pas encore fait. Et là, pour le 1 000 $, le parti est mis au banc des accusés en disant « Vous voulez faire la politique autrement? » Regardez, c'est seulement les riches qui vont pouvoir aller vous voir. Le peuple, lui, la classe moyenne, peut pas se permettre un spaghetti à 1 000 $. Non. On a de la misère à se payer un super restaurant à 60 $. Bon, fait que là, le gros, c'est ça. Hein? Sur les réseaux sociaux, dans les médias régionaux, surtout, les candidats qui étaient approchés se sont ouvertement exprimés en désaccord avec le parti. Ils se sont retirés. On se souvient ici, dans Saint-Maurice, Robert Deschamps, qui s'est retiré ouvertement, en fait, la une du Nouvelliste pour dire « Je claque la porte de la CAQ. Je caque la porte. » Oh! Oh! Oh! Oh! Un mathieuisme. Ça n'a pas été long, là. Ça n'a pas été long. Et il y en a plusieurs autres dans Outaouais. Celui qui était pressenti, qui était déjà, non pas investi, mais qui avait été choisi, a claqué la porte la semaine dernière en disant « C'est un parti vraiment comme les autres. Moi, je voulais un parti innovateur, c'est un parti comme les autres. C'est je quitte. » C'est ce que les gens se rendent compte, là, tranquillement. Voilà, c'est un parti comme un autre. Et surtout, on a su que quand... François Legault choisit lui-même ses candidats. Il n'y aura pas d'investiture, il n'y aura pas de course entre candidats. C'est une bonne stratégie, ça? Ça marche pas parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas un chat présentement qui se fait élire. À part Dominique Anglade, qu'on ne connaît pas ici au Québec, à part dans les chambres de commerce. Celle qui veut donner un coup de barre. Là. Elle veut donner un coup de barre. Elle a dit qu'elle veut donner un coup de barre. Mais elle ne sait pas où, mais elle va le donner. Ouais, c'est ça. Elle dit ça tellement souvent pas dans une quoi, journée. C'est le « on verra » féminin, c'est le coup de barre. Ouais. Donc, il y a juste elle comme vedette, à part Gérard Deltel et compagnie, qui sont c'est pas des vedettes. Non, c'est même pas... C'est des figures connues. Ouais, ça, ce sont plus connus. Ils n'ont pas de poids politique, ces gars-là, là, on s'entend. Le charisme est pas... C'est des backbenchers, c'est des futurs backbenchers. Là. Je m'attends pas à voir Gérard Deltel vice-premier ministre du Québec. Non, si non, ça arrive, non, sérieusement, non, on va vivre ailleurs. Je te suivrai, on partira sur un road. C'est clair. Mais c'est François Legault qui choisit lui-même. Il aurait reçu des milliers de CV. J'en doute, honnêtement. Des opportunistes, peut-être. Mais c'est quand même lui. Et quand il rencontre les candidats, puisqu'il leur fait passer une entrevue, après le bonjour, ça va bien, oui, la première question qu'il pose, c'est en combien de temps pourras-tu ramasser 25 000 $? C'est la première question qu'il leur pose. Et là, les candidats disent Next. On passe à un autre. Si t'es pas capable de ramasser 25 000 $, t'es pas un bon candidat. Excusez-moi, mais au Québec, c'est pas 25 000 $ qui est important, c'est celui qui est capable d'apporter la nouvelle, de défendre des dossiers, celui qui a une idée. Non, mais c'est l'argent sûr. L'argent suivra par la suite. Mais c'est sûr, c'est pas supposé être le but premier là, quand tu te présentes en politique. Non. Loin de là. C'est de la job, mais c'est pas le. Pourquoi je m'en vais en politique? C'est pas parce que je suis capable de ramasser. Sinon, la politique n'est pas accessible. C'est pour ça qu'il y en a qui ont reculé en disant ça. Gars, moi, je vais pour défendre des idées, pas pour ramasser de l'argent. Mais non. Bon. À un moment donné, bon. Fait qu'on se quitte sur une bonne note. On va parler de la femme, 8 mars aujourd'hui. Mais pourquoi le 8 mars et pourquoi la Journée internationale de la femme? Mm-hmm. Parce que beaucoup de monde en parle. Dans les journaux aujourd'hui, on ne parle que de ça. C'est plate qu'on ne parle que de ça aujourd'hui. Il faudra en parler tout le temps de la femme. Parce qu'encore 2012 aujourd'hui, malgré d'énormes avancées, la femme est souvent perçue comme étant une minorité. Ben oui. Alors que elle représente la majorité de la population. Ouais. Et même à l'université, elle a surpassé. Oui. Il y a juste au doctorat encore où les hommes sont plus populeux que les femmes. Mais ça, c'est normal. C'est pas vrai. Non, t'es tout seul. Aujourd'hui. J'allais te condamner, François. Ouais, c'est dans toutes les sphères. Là, les salaires, c'est prouvé, sont pas aussi hauts pour les femmes. Exactement. On a beau penser que l'égalité est arrivée, mais c'est pas le cas. Tout à fait, Mathieu. Ouais. Puis il faut continuer à se battre avec et pour les femmes pour faire avancer leur cause. Ouais. Mais en même temps, c'est pas leur cause, c'est la cause de la société, d'après moi, puisqu'on a un problème si on juge que la moitié de la population mondiale est une minorité ou un sexe faible, comme certains crétins se plaisent à dire. Donc, ça, je l'assume pleinement. Donc, c'est en 1977 que l'ONU a décidé que le 8 mars était maintenant la Journée internationale de la femme. Pourquoi le 8 mars? C'est une date historique parce que au début du 20e siècle, c'est les premiers gains des femmes pour surtout la démocratie. Okay. Avoir le droit de vote. Droit de vote. C'est une date qui faisait un peu l'unanimité, comme le 1er mai pour la fête des travailleurs. Pourquoi le 1er mai? Parce qu'il y avait eu déjà une émeute à Chicago un 1er mai 1876. Okay. Bon, tout simplement. Moi, je vais faire mon animateur dans une autre radio, là, un gars pas de classe. Vas-y. Ouais, ouais, tu sais pourquoi c'est 8 mars? Parce que le 8 à l'envers, je mets ça là sur le côté, puis qu'est-ce que ça donne? Je mets du côté. Ça donne quoi, Mathieu? Ça donne un 8 sur le côté. Ouais. Ça change pas. Mm-hmm. C'est 2, en tout cas. 2. Vas-y, dis-le. Assume ton rôle jusqu'au bout. Je le perds le sein. Comme dirait un animateur dans une autre radio, mais pas moi. Jamais. Mais pas ici. Pas non, ici. Non, non, non, non, non, on fait pas ici. C'est certainement le signe de l'infinité. Oui. Oui, oh, aussi. Ouais, vers ouais. L'infinité, oui. Ouais, non, plus son infinité. La journée finit plus. On devrait célébrer la femme à l'infinité. C'est ça qu'il faut. Il faut célébrer la femme à tous les jours. Voilà. Donc, c'est une journée de manifestation à travers le monde. Donc, plusieurs manifestations symboliques et ou physiques, comme il pourrait y avoir. Et je vous invite à lire les textes, entre autres de notre collègue et ami Marie-André Gauthier, que excellent. Nous connaissons tous ici. Mm-hmm. Dans le Nouvelliste ce matin, il a écrit une très belle lettre justement sur les conditions féminines et féministes aujourd'hui, où ça en est rendu. Donc, je vous invite à lire dans la section Opinion du Nouvelliste notre camarade Marie-André Gauthier. D'ailleurs, Simon Fitzbé a eu aussi une lettre d'opinion coudon. La semaine dernière. Oui, oui, coudon. Oui. Jasmine, Simon, Marie-André. Mais Caroline Couillard, Rouillard aussi. Caroline Couillard, oui, oui. Rouillard, excuse-moi, Caroline. Qui ça aurait donné cac, mais c'est... Mais oui, donc c'est le fun de voir les jeunes écrire et de plus en plus la femme prendre place parce qu'encore, il y a quelques années, la femme n'écrivait pas dans le Nouvelliste. C'était toujours les mêmes nobody qui écrivaient, oui. Hommes. Mais maintenant, c'est... Moi, j'aime ça. Il a resté qui écrit dans son campus. Il y en a beaucoup de chroniqueurs, il y a beaucoup blague. De journalistes. Oui. Et même au sport, il y a eu des femmes. Il y en a encore, c'est pas des parlais des gens qui écrivaient des textes opinions. Ah, ça. C'est autre chose. Ben, non, sur le campus, c'est totalement. Oh, oui, il y a beaucoup de femmes, puis c'est bien. C'est un bon journal. Merci François Landry. Ça fait plaisir. Je suis en feu aujourd'hui. C'est super gentil. Cool, comme ça. J'aimerais souligner, je pensais que c'était une légende, mais oui, t'as vraiment une pagette, François. Tu pensais que c'était une légende? Oui, hein. Mais c'est là. Il y a encore des compagnies de téléphone qui desservent si les pagettes. Je peux la là. Ça, tu incroyable. Changes-tu la batterie ou... Ouais, souvent, une fois par semaine. Hein? Faut que t'aies la crinque. Ouais. Ça se décharge si vite que ça? Plus entendre ça, c'est vintage. T'as une minute, non? Parce que j'ai pas eu d'appel depuis longtemps. C'est sûr, c'est bizarre. C'est que pour le look, hein. Tu veux flasher avec ton pagette. Ton high page. Parlez, puis je vais essayer de le trouver. T'en sors pour creuser les bords, une pagette, tu sais, les médecins, il y en a qui ont encore ça. C'est ça. Ça a l'air bien compliqué, mais t'as juste deux pitons après ça? Trois pitons. Trois pitons, ouais. Et c'est pas comme ça. Là, je l'ai mis sur vibration, faut que je l'enlève. Oh, oh, oh, vibration. OK, on va y aller. Oh! On a-tu entendu? Non. Ça ne pas fort. Il y a trois boutons, tu cliques 15 fois pour voir ça. Tu l'as entendu? Ben moi, j'entends. Ben moi, j'ai entendu. Ouais, okay, après ta ceinture, tu l'entends? Non, ben, elle vibre tellement que je dérape sur le trottoir. C'est pas assez culotte. Attends, si je peux la faire vibrer sur le bureau. Ça, exemple, si... Oh, ouais. Oh. Ah. Tape barouette. Ah. Ça sur un page en auto, faut que tu t'arrêtes, tu bois le. Non, c'est pas sur mon chemin, je suis pas déconcentré. Ok, mais t'en regardes pas, hein, comme on disait. Ben non, je suis pas fou. Bon, parfait. Une pagette, c'est faite pour ça, c'est pas pour ça faire déranger. Là. Non, c'est ça, comme le maire Lévesque, c'est comme le maire Lévesque s'est fait arrêter par la police au mois de mars dernier. Pour des affaires personnelles. Ben oui, un beau 80$ d'alors. Hey, 80$. Moi, ça m'a choqué. D'ailleurs, là, je prends deux petites secondes juste pour me révolter. Là. Mais ça m'a choqué parce que, pas un ticket, puis ça va te coûter pas mal plus cher que ça. Non, ben moi, ce qui m'a choqué, c'est la condescendance du maire Lévesque en disant. Non. Ouais, puis. Ouais, non, mais. C'est ça. Bah, c'est ça. Mais bon, oui, ouais. J'ai une pagette, les yeux. Passons longtemps. Félicitations. Ouais. Bravo. Ouais, écoute, ça me fait plaisir. J'espère que ça durera quoi? Longtemps. C'est quoi ton numéro? Je peux-tu te payer? Oh, oui, je te le donnerai, mais. Écoute, on pourrait le donner en nom, si. Non, ça va aller. Ça va aller. François Landry, merci. Oui, merci. Jeudi prochain, plaisir. 8h30, et je te dis, oh non, dis-tu des affaires. C'est signé pas de contrat de 10 ans pour une pagette, les gars. Vous êtes pogné avec un bout. Donc, nous, ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. François-Olivier Marchand, est-ce que tu veux m'aider à annoncer ce qu'il y a lundi à l'émission, si tu t'en rappelles un peu? Oui, lundi matin, on reçoit Xavier Antoire qui nous parle de thé avec sa chronique Tais-toi et cuisine. On a Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. Lui, il nous parle de musique canadienne comme toujours. Et enfin, l'émission? Du charme et du sport avec Nicolas Ducharme, journaliste à l'écoute de Trois-Rivières. Une autre bonne émission du lundi qui s'en vient à partir de 7h. Restez sur nos ondes. Tantôt, c'est CLX.zip, émission qui compresse les chroniques technologiques CLX d'assemblage requis. 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. 13h, Kim Bergeron avec 6 degrés. Je serai de retour avec DJ Catardi aujourd'hui pour sa nouvelle chronique dans les palmarès. Il y en a qui se gardent pour la journée de la femme. Hein? Et voilà, c'est entre 14h et 17h. À 18h, c'est la spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. Et puis, allez voir le reste de la programmation sur cfou.ca et passez par assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. On se quitte avec une pièce dont on parlait précédemment dans l'émission. On avait parlé d'Ariane Moffat. Ah. Oui. Donc, on va écouter l'extrait. La pièce Too Late. Too Late. Merci, François. Merci, Simon Fitzbé. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. François André, merci. Merci. Ouais. Ça fait plaisir, madame. Passe une belle fin de semaine. Et comme diraient les, les femmes, comme diraient les autres animateurs sur une station de radio pas de classe. Hey, les femmes, oui, dedans, pas le site, puis oui, dedans, puis d'autres commentaires déplacés. Je suis pas capable d'imiter un gars pas de classe parce que j'en ai ben trop. Hey, hein. Boy. Hein? Ben trop, ça coule partout. Attends un peu, je marche pas. Ça coule de partout. Hey, bye. Ça finit mal, ça. Your energy, your ADD, I miss your fears, the souvenirs, I miss your sweet taste, you laughed hysterically, I miss your grace and your flexibility, I miss the nights, the frantic pace, I miss the consequences, the price to pay, oh I miss Paris, pornography, your charge on me, I miss the way you used to love me.